Il s'agit du flow de caste. Ça pue sa mère. Mais je les aime grands, exagérément musclés. Et surtout le cheveu blanc et en brosse. Eh ouais, le nazi quoi. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Mince alors. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Floodcast. Comme à l'accoutumée, je suis accompagné d'Adrien Méniel. Adrien Méniel, comment ça va? Ça va. Comment s'appelle la boisson que tu as achetée? C'est où, Wild in the Moon, que tu as acheté ça? It's Britney Beach. Bah c'est énervant. Pardon, excusez-moi. Mais ouais, ça a marché apparemment sur Adrien. Ouais. C'est parce que c'est chaque boisson a un effet. Ouais. Celle-là, c'est plus pour la beauté. Ah, donc ah, oui. Je l'ai pas fini encore, je précise. Oh, c'est pourtant, pour moi, les crânes rasés, si je puis dire. Tu peux me permettre? Ah oui, pour Britney. Bien joué. Et toi, du coup? Et moi. Moi, j'aime beaucoup le minimalisme de l'étiquette qui fait que ça ressemble un peu à un médicament. Ouais. J'aime bien ça. Un peu, mais. Pour le moment, ça donne envie en tout cas. Ah, oui. Tout donne envie. Écoutez, je vais vous dire ce qu'il y a dedans parce que ça va encore plus t'énerver. Ah non, je suis pas sûr. Non, ça peut aller. Premier ingrédient, du collagène vegan. Aïe, aïe, aïe. Un régal. Ah, mais un régal. Mais le collagène, c'est pas bon. Moi, j'ai essayé parce qu'on m'a dit faut. C'est pas pour la peau, apparemment. C'est et pas pour courir, c'est pas ça. Parce que moi, j'ai couru, on m'a dit faut prendre du collagène. Moi, il faut ne jamais écouter les conseils de gens qui font du sport. Globalement. Oui, déjà, il n'y en a pas deux qui disent la même chose. Moi, ça m'avait rendu fou sur le. Non, mais j'avais commencé à faire du sport. Moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup repoussé. Attention. Ça m'a rendu foudrage. Oui. J'ai beaucoup repoussé le sport dans ma vie. Vraiment, je déteste ça. Je me suis mis à la course à pied. Et je suis comme toi. Mais je sais qu'on est dans la même team. Ah, mais moi, c'est très dur. Et après, je me suis mis. Et puis voilà, je commençais. Et franchement, je commençais à m'y mettre. Et là, quelqu'un a commencé à me dire. Ah non, mais sous 40 minutes, c'est comme ne pas courir. Ouais. Oui, on m'a dit ça vos aussi. Gueules, non, voilà. Non, mais n'importe c'est... quoi. C'est non, quand même mieux que rien faire. Le coach Lucio que je mets dans mes oreilles, dans mon appli à la con, qui me dit plein de trucs de quand on veut, on peut, et des trucs qu'on adore, j'ai envie de le frapper. Il dit, et là, bonjour Jean, même si t'as fait 20 minutes, ça compte. Mais et oui. Ce soir, t'es une meilleure version de toi-même que si tu l'avais pas fait, ok. Et même lui, il dit ça, donc c'est en plus, c'est scientifiquement maintenant. Enfin, ça, c'était la version d'il y a 50 ans de dire que mais maintenant les scientifiques s'accordent à dire que tout effort en fait ça cumule et que si tu prends les escaliers, si tu le fais 20 fois dans la journée, bah c'est comme si donc c'est non seulement de la connerie et en plus même si c'était vrai, ferme ta gueule. La personne elle commence. Dis-lui, c'est trop cool que tu t'y mettes, bravo. Au lieu de lui dire, ça sert à rien. Tu veux que je cours une heure la première fois que je me mets au footing? C'est ridicule. Bah oui, moi mon but c'est d'y aller tous les matins sauf le week-end où je fais relâche et du coup je préfère faire peu que renoncer. Et bah, donc je dis, aujourd'hui je fais qu'un quart d'heure. Patrick n'ose pas parler parce qu'on vous a pas présenté encore. C'est vrai. Je veux pas spoiler. Je continue les ingrédients. Je fais la suite des ingrédients. Tant qu'on n'a pas présenté Patrick, il va pas parler. Ben non, c'est moi jusqu'à la fin de l'émission j'attends qu'on me présente hein, sinon je parle pas. Notre première invitée est autrice, vidéaste, historienne et stand-upeuse depuis peu. Elle va d'ailleurs rôder son spectacle à la fin de l'année à Paris le 28 décembre. Pas seulement, mais j'ai vu que ça sur Billets Réduits, c'est le dernier disponible, c'est ça, c'est complète partout. Les dates et les horaires, t'es pas au point, j'ai l'impression. Non, mais je peux pas t'en vouloir, écoute. Ben non, mais en tout cas, il reste mais de la place de le dire. Pour le 28 et aussi un peu partout en France début d'année prochaine. Sur son Instagram, elle parle histoire et féminisme en parlant de meufs badass, de meufs invisibilisées par des mecs et souvent les deux. J'ai compris récemment que son pseudo d'ailleurs Insta, Manon Bril C-U-A-H, c'était pour C'est une autre histoire. Oui. Moi, je croyais que c'était je m'appelle Manon Bril quoi. Oui, je sais. C'est très fréquent. Tu sais qui c'est qui m'a dit ça il y a pas longtemps? C'est Axel Malivernet que vous avez vu aussi. Il m'a envoyé un vocal en disant juste Manon, je suis un abruti. fin du vocal. Et je le vois 2 heures après, mais je fais, il y a pas de suite. Je fais, tu veux m'en dire plus ou je prends ça pour acquis? Mais il dit non, mais même chose. Manon je vais te capter ton pseudo. Je pensais que c'était ça. Bon, en tout cas, vous l'avez reconnu. Mais moi, ça me régale. C'est Manon Bril. Bravo. Merci. J'ai dit, vous l'avez reconnu. J'ai dit son nom et son prénom. Donc, si vous n'êtes pas trop mauvais, vous l'avez reconnu. Notre second invité est auteur, vidéaste et selon Wikipédia, folkloriste, dis donc. Le lynx déjà. Ah bah oui, bah le lynx est arrivé tout de suite. Non, c'est bon, là, pardon, je l'ai pas vu venir. Mais j'adore. Un folkloriste qu'il est. Ouais, je l'ai découvert moi-même, hein, en lisant ma page Wikipédia. Mais à mes yeux, tu es en train de faire des 6 et des 9 avec tes doigts. Mais oui, hein, non, pour moi, il y avait une espèce de petite lyre oui. ou de truc, ou un flageolet et un gros baiser aussi. Un flageolet Un flageolet, c'est une flûte. Ah, non, on pense à un rico. Oui, ouais, comme tout le monde. Hein, ouais. On ne savait pas que c'était un instrument. Tu es un faux. La petite flûte irlandaise des Farfadets, c'est un flageolet. Flageolet. Je tout. Non, mais quoi non, mais écoutez le podcast. Quoi il n'y a pas que vous. Eh bien, écoutez, en tant que folklore. Je suis ravi d'être venu. Est-ce que tu m'adoubes en tant que folkloriste? Je te valide en tant que folkloriste adjoint, pas de problème. Il a sorti bon nombre de livres, 6 tomes de la BD Axelot et un nouveau bouquin qui sort ce mois-ci, Curieux Musée, dans lequel il nous présente les musées les plus insolites du monde. Il adore ce qui est insolite. C'est ça. Bah, et il a marqué l'histoire du Floodcast. Parce que je sais pas si les gens se souviennent, il a marqué l'histoire du Floodcast en m'envoyant un matin l'extrait de Francis Huster à la radio qui hurle sur le pape, qui, je le rappelle, reste au Vatican au lieu d'aller à Kiev. Dire, tu es moi je reprends le Christ. Et ben c'est Patrick Beau, voilà. Ah, génial, ouais. Merci. C'est toi qui me l'avais envoyé, Patrick. Écoute, je n'en ai aucun souvenir. Tu perds la boule. On a eu une comme pour le karaoké avec Manon. Patrick ne se souvient pas des. Je commence à m'inquiéter un petit peu quand même là de l'âge et des ravages de l'âge. Moi vraiment. Hein, en tout cas, j'en suis ravi parce que apparemment c'est à nouveau viral. Et c'est pour ça aussi que je te lance là-dessus. Oui, c'est une trend. J'ai vu deux trucs qui parlent avec ce son sur Twitter. Les gens redécouvrent ce truc-là. Donc je suis ravi d'apprendre que c'est grâce à moi. Bah t'es un lanceur de trend. Bah oui. Pour moi, t'es le arc. Toi de la France. Rajouter trendiste sur Wikipédia. Ouais. En tout cas, je tiens à te remercier publiquement de prendre le temps d'écrire à chaque fois une nouvelle présentation parce que ça commence à faire un paquet de fois que je viens ici. Et j'ai toujours une nouvelle présentation. C'est un bonheur. Merci ça, beaucoup. C'est mon Patrick. Je le disais dans un ou deux épisodes. Que toi, tu fais des compliments et voilà. C'est sincère. Tu mets bien les gens. On prend, il met bien. Il met bien. Alors attends, il y a de l'acide hyaluronique. Alors pour moi c'est vraiment juste sur la peau ça. Quoi. C'est pour la peau ça oui. Bien sûr. Bien sûr. Bah, c'est beauty hein mon pote. Oui, mais faut pas le boire en fait. Oui, c'est que des... Bah apparemment si moi je m'en mets sur la peau mais ouais, apparemment faut faire des compresses avec, faut pas c'est le boire. C'est pour la beauté intérieure ou quoi. J'ai peut-être crevé tout simplement. Oui, c'est possible que tu crèves. L'abcès déjà. De la cerise, bon ça va. Ça va, ça je connais. Vous me l'accordez ? Ouais. Et de la stevia évidemment parce qu'on ne met pas de sucre. Bien sûr, on met de la stevia. Évidemment. Et bah c'est allez. Et le résultat alors ? Prends-en une bonne rasade. Ouais, c'est bon. La couleur est sublime, cerise. Voilà, il y a un petit quelque chose en plus non dans les ingrédients. Sans doute. Pour cette couleur rose. C'est marrant parce que moi je vois un Pepsi Max et dedans il y a écrit acidifiant, acide phosphorique, acide citrique et à côté correcteur d'acidité. C'est tellement acide qu'ils disent bon, on va essayer de baisser un peu quand même le délire. T'as envie de leur dire mettez moins d'acide. Et j'ai l'impression que plus ça va, plus le logo de Pepsi ressemble à celui de Retour vers le futur 2. Ah, tu crois? C'est tu en train de se modifier essaient. Progressivement. Putain, ouais. Je me souviens plus à quoi il ressemble. Le Pepsi Zéro, tu parles. Il y a une époque où le logo de Pepsi ressemblait au bide d'un homme bedonnant. Et vous voyez le bleu du bas, ça faisait comme un jean qui était tendu sur le ventre du mec. D'accord. Et je crois qu'ils ont modifié ça. Le folkloriste, putain. Excusez-moi, je suis folkloriste. Folkloriste 2.0, je dirais. Imaginez-le avec une petite guitare. Graphiste également. Donc et aussi. J'avoue. Alors je commence très facile, surtout avec vous deux. Vous avez forcément entendu parler. Qu'est-ce qui a été retrouvé dans la nuit du 2 au 3 octobre 2024? Moi, elle l'a pas, Manon Bril. Ah! Oh, ah bah si, bien la sûr. Chouette d'or, ah oui, bien sûr, bien sûr. Je l'ai écrit d'ailleurs. Tu as écrit. J'ai réagi à ta story, pardon. J'ai réagi à ta story en disant, mais non, mais incroyable. Oui, la chouette d'or. Et c'est Fabien Olicard qui a fait un documentaire sur cette chouette d'or, carrément. Alors, on sait toujours pas qui l'a trouvé. Oui, ah, mais non. Bah, le gars ou la meuf doit se planquer. Et il faut savoir qu'il y a une controverse. Ma boulot, les mecs qui cherchent ça. Oui, c'est chaud. Il y a une communauté hardcore et il y en a beaucoup qui pensent que c'est pas la vraie chouette qui a été déterrée. Alors, parce que c'est le que j'ai lu. Voilà, ça a été validé par la FED. Le co-créateur du jeu devait faire une vidéo YouTube le lendemain de la découverte pour expliquer. Il a toujours pas fait. Oh là, donc il y a des doutes, il y a des controverses. En tout cas, pour les gens qui seraient dégoûtés que la chouette d'or ait été déterrée, sachez qu'il y a d'autres chasses au trésor en cours. Bien sûr. Comme la chasse du Najador. Mais qu'est-ce que c'est qui est un serpent doré. Écoute, je t'en prie, je t'en supplie, tape sur ton ordinateur. Il est en train de nous folkloriser là. Je suis en plein folklore. Le Najador, c'est un serpent doré, estimé à une valeur de 50 000 euros, qui est actuellement donc, mais... l'objet d'une chasse au trésor. Attends, en France le... En France, absolument. Il y a un livre, en fait, on peut acheter un livre. Ah, comme c'était par hasard. Moi, ce n'est pas moi qui l'ai c'était écrit. C'était ça, pour la chasse d'or, il y avait un livre. C'est la même chose. Un livre et de... Il y en a plusieurs actuellement. Oh et à l'époque, parce que moi, voilà, je date pas d'hier. Toi, c'était comment les dinosaures Non mais, bah, on y est presque, parce qu'il y avait à l'époque un service Minitel chouette d'or, où tu pouvais parler avec le créateur, le mec, tu pouvais lui poser des questions. Parler de Max Valentin. Max Valentin. Max Valentin, exactement. Oui. De son vrai nom, Régis Hauser. Incroyable, voilà. Mais il devait avoir beaucoup. Et il y a des sites qui répertorient tous les échanges avec Max Valentin de l'époque. Oh, wow. Au cas où il aurait lâché des petits indices dans ses réponses. Oh, wow. Et je crois qu'il y a une des théories, c'est les gens ont utilisé, mais c'est sans doute le cas, utiliser les IA, quoi. Filer toutes les données. Comme quoi, ce serait ChatGPT qui aurait trouvé la chose. Est-ce que ça fait partie du jeu, non? La technologie avance. Genre quoi, on n'avait pas juste une lampe de poche pour la trouver, le truc. Il n'y a pas de règle sur comment la trouver. Et effectivement, la véritable statue serait, quant à elle, c'est ce qui se dit, conservée dans le coffre-fort d'une banque. Elle a été fabriquée en or et en argent, sortie de diamants, et ferait 80 à 50 cm d'envergure pour une dizaine de kilos. Si l'on s'en tient à la seule conversion entre le franc et l'euro, la chouette d'or vaudrait environ aujourd'hui 150 000 euros. Mais le cours de l'or a significativement augmenté entre temps. D'après les données de veracash.com, donc je me fous pas de votre gueule quand même. Non, c'est du vrai. L'once valait 400 $ en 90 contre 2 600 $ aujourd'hui. Bah, c'est beaucoup plus. Si vous faites le calcul, c'est beaucoup plus. Puis, si je puis me permettre, en tant que folkloriste, excusez-moi. Bien sûr, mais pendant des années, les habitants de la ville de Dabo en Moselle étaient désespérés. Excusez-moi, je remonte un petit peu mon micro. Les habitants de la ville. J'essaie de le dire discrètement aux gens. Ils disent ah, pardon. Faut que je remonte mon micro. Oui. Les habitants de la ville de Dabo en Moselle étaient désespérés parce que les chouetteurs venaient creuser leur territoire. C'est un vrai dans l'histoire des chouetteurs, les chouettistes aussi, ça dépend des écoles. Et les chouetteurs, franchement, il y avait des indices qui semblaient conduire vers le village de Dabo en Moselle. Okay. Et il y a un monument incroyable là-bas. C'est le rocher de Dabo. Oh. Et donc, a priori, la chouette aurait été retrouvée là-bas. Donc, on ne sait pas encore. Ah, magnifique. Bah, je ne savais pas tout ça, mais je savais là qu'en invitant. Voilà, je savais qu'on allait un peu goûter un petit peu à tout ça. Mais moi, j'étais complètement passé à côté de ce truc-là. Je crois que c'est un peu la génération d'avant. Ça doit être des années 80. C'est les années 90. C'est ça, 93. Il y a des émissions de Chavannes des années 80 où on voit justement Max Valentin et son co-créateur. Le créateur est décédé, c'est ça. Il est décédé. J'ai oublié le Max Valentin. J'ai oublié le nom de l'autre, mais c'est. C'est pas son fils? Non, c'est le mec qui a sculpté la chouette. Ouais. Ah, mais je crois qu'il y a son fils dans l'histoire, je crois. C'est possible, je sais pas. À Max Val. Dans le Gard, une affaire vieille de plusieurs années s'est enfin réglée entre un patron de bar tabac et un de ses clients. Je vous demande le litige, et ce n'était évidemment pas une chouette. Une ardoise. Alors, pas une ardoise. Une histoire d'argent ? C'est une histoire d'argent. Bah, c'est quoi une ardoise pour toi alors ? Voler une ardoise comme dans Les Amours. C'est pas ça. C'était pas ça. Non, c'est une histoire d'argent, mais pas par rapport à des trucs qu'il aurait. Ah, est-ce que c'est un truc de jeu à gratter? Alors, c'est pas un truc de jeu à gratter. Est-ce qu'il voulait acheter le bar? Il ne voulait pas acheter le bar. Ah. Le petit bar. Est-ce que. genre, le client dit qu'il avait trouvé quelque chose dans. Genre, il avait trouvé une somme d'argent dans le bar, et du coup, le patron disait bah non, c'est à moi, c'est mon bar, et l'autre a dit bah non, c'est moi qui ai trouvé. Ah, genre un petit. D'accord. Alors, c'est plus simple que ça. Ok. C'est pas ça. Je peux même vous. Il lui avait prêté de l'argent, puis lui a rendu, quoi. Ça va, c'est plus simple, ça. Ouais, c'est vrai que c'est plus simple. Bah, est-ce que fait divers. Il se passe pas grand chose, donc quand tu as un truc, on le raconte, quoi. Est-ce que le client lui a dit dis donc, c'est quoi cette chouette sous la table, là? Alors, non, ce n'est pas lié à la chouette d'or. Non, c'est vraiment un truc. Pensez à. J'ai un indice, mais ça va être trop vous aider, mais c'est pas grave. Vous savez quoi, je le lance. Hop. Attention, là. C'était il y a quelques années, et à l'époque, le litige concernait le patron et un enfant. C'est un héritage. Non, pas un truc. Une histoire d'héritage. Pas une histoire d'héritage. Vous voyez, vous êtes enfant. Une amende. Pas une amende. Une amende parce qu'il a servi de l'alcool. De l'alcool à un gosse. Non. L'enfant a cassé quelque chose. L'enfant n'a pas cassé quelque chose, mais l'enfant a fait quelque chose, effectivement, Manon Bril. L'enfant. Une chanson. Est-ce que c'est le père de Jordi? Non. Il ne s'agit pas du père de Jordi. Il lui a dit, c'était pas si dur d'être bébé. Si, je crois que si. De là à dire deux fois dur. Non. C'est peut-être juste dur, mais pas dur. Ouais. Est-ce que l'enfant avait avalé quelque chose? Oh non. Il avait avalé un truc en or, il a chié enfin. Il a mis 30 ans à le chier. Il a fait pipi par terre. Il a pas fait pipi par terre. Il a fait caca par terre. Il a fait caca par terre. Oh là là. Patrick, la merde. Quand je lui ai envoyé un petit message pour lui dire trop bien, on va au Flow de 4 ensemble, il m'a dit, je cite, à nous le raffinement. C'est vrai. Bah oui, parce que je sais que c'est le rendez-vous du raffinement. Ouais, donc, oui, c'est, on est bien fait, sûr. On a évolué quand même. Bah, l'image nous colle à la peau. Après, on vient chanter la piste bah, à la peau. C'est pour ça qu'on a des petites collerettes. Donc, c'est pour ça que vous avez été accueillis avec des bouquets de fleurs. Ça voilà. Nous colle à la peau comme de la grosse merde quand t'as chié en combaine là. T'es et tu t'assois. Allez hey, le big deal, le puits du fou, le sperme. J'encule mon chien. Non, mais c'est bien d'aller au bout du truc. Moi, je trouve qu'il vaut mieux assumer, mais t'as bien raison. À un moment, merde. Merde, à un moment. Ben, est-ce que c'est un truc donc que le fils du client avait fait qui a coûté de l'argent? Alors ce n'est pas ça, c'est pas le fils, fils du patron. Non, c'est un gamin lambda. Qu'est-ce ouais. qu'il foutait dans un bar? Déjà. Une question déjà. Parce que j'ai pas dit un bar, j'ai dit un bar tabac. Oh, oh ah, des clopes. Il a fumé. Volé. Non, il a pas fumé. Il a volé. Il a volé quoi? L'orange. Une orange. Non, pas, non, non, l'enfant n'est pas Michel. Michel. Il a volé du bonbon. Bien et sûr. Qu'est-ce qui s'est passé là récemment? Et le monsieur a dit remboursez-moi pendant des années. Alors, attends, il y a eu un truc c'est sur plutôt le bonbon. Ouais, par rapport au bonbon. C'est plutôt joli. C'est pas le patron qui a réclamé. Ah, l'enfant a ramené les bonbons. L'enfant devenu adulte a donné une enveloppe de 50 balles. Oh, c'est mignon. Et anonymement. Il a volé énormément de bonbons. Alors, énormément. 50 euros. Non, comment qu'il y avait les. L'inflation. Ouais, l'inflation. C'est comme la chouette, tu vois, ça a pris le cours des bonbons. Comment c'est que c'est lui du coup si c'était anonyme? Ouais. Parce qu'il a écrit un petit mot. Lettre, un petit mot. Ah, il a dit je vous ai volé des bonbons oh, non, il y a de nombreuses années. C'est très beau. Ouais, mais ça, voici. Ouais. Ah, ça, il déteste mais... ça. Oh la regarde. Non, non, mais le mec, il a quelque chose à se faire pardonner. It's Britney Beach. Il a, là, ça, c'est... il a tué quelqu'un. Et sa psy lui a dit faites-vous pardonner pour tous les méfaits que oh, vous avez faits. Cette vision très obscure de la réalité, quoi. Alors que moi j'allais te dire merci, Flo, on a besoin de ça. On a besoin de ce genre d'histoire. Non, mais je rigole. Je pense qu'il a tué. C'est mon clown, c'est mon clown. C'est son clown, attendez. Sur France Bleu, Lozergard, donc on cite quand même des sources un petit peu. Ouais, bien sûr. Goncalves de Oliveira, patron du Provençal, a expliqué avoir reçu le 13 septembre ce courrier d'un ancien petit voleur, désormais adulte. Qui petit a donc voleur. Le petit voleur. Petit c'est, voleur. Mon nouveau, c'est mon nouveau bouquin. Bah oui, d'ailleurs, ça va être adapté par Antoniente. Ouais, le petit voleur. Le voilà. Petit voleur. Mais P'TIT, bien sûr. Bien sûr. Il a joint ses 50 euros avec une lettre pour s'excuser d'avoir. Voler tous ces bonbons. Le patron a d'abord cru à une blague et en fait non, il a constaté que le billet n'était pas un faux. Son seul regret au patron, ne pas connaître l'identité de l'auteur qu'il aurait aimé remercier après avoir été manifestement très touché par ce courrier. Ben oui, bah c'est mignon. Blanchiment d'argent pour moi. Mais, ce qui est fou, c'est que ça veut dire que le mec avait des remords depuis 30 ans. Oui, mais c'est malheureusement. La noirceur d'Adrien m'a un petit peu mis dans son camp. C'est-à-dire qu'effectivement, ça sonne un truc de. Ouais. Je m'en veux pour des trucs que ouais. j'ai fait dans ma vie. Peut-être qu'il a une liste en fait. Ouais. Et que voilà, il rembourse ses dettes. C'est la double vie d'Eddie McDowd. Non, mais vous non, vous de ce film, de cette série. La double vie d'Eddie McDowd. J'ai jamais entendu parler de ma vie, je pense. C'était un enfant qui était méchant, qui bully des enfants. Aïe, aïe. Et un jour, il se fait transformer en chien pour se faire punir. Et il doit faire 100 bonnes actions en tant que chien pour redevenir un enfant. Oh joli. Et dès l'épisode 2 il se lèche les couilles. Il fait non mais c'est bon là, ouais, tranquille, ouais, jamais je redeviens un gosse. Bah en vrai pas tellement une punition hein, de ah, un quand chien. Tu vois la série mon pote quand même. Bah là les gens lui mettent des coups de pied. Et là non, mais il a une laisse. Voilà quoi. Ah oui. Et alors le mec qui a remboursé les bonbons est redevenu un chien d'ailleurs. Voilà, 30 ans qu'il attendait. C'est la belle histoire. C'est pour ça qu'il a apporté avec dans sa petite gueule l'enveloppe. Très très très très long pour écrire le truc. C'était quoi vos grosses bêtises quand vous étiez enfant? Bêtises que vous avez fait quand vous étiez gosse. Moi, je sais qu'Adrien a dealé, mais. Alors. avec ma cousine, du coup, moi aussi, je vais pouvoir sortir. Là. Parce qu'en plus, bon, après, je l'aurais fait. Je les ai mis en reco du Floodcast, donc je peux avouer un truc. Quand j'étais gosse, au Leclerc de Pont-l'Abbé. Oh là là! Le fameux. Tu vas le ramener après. Wow. Mais tu savais pas. Mais moi, le Leclerc de Pont-l'Abbé, c'était mon. Ah, mais je savais pas du tout, non. Mon fief de. Enfin, c'est. Non, mais. C'est, en fait, j'ai pété mon crâne quand j'ai vu que le Leclerc de Pont-l'Abbé faisait le buzz parce que moi, c'était. Je le redis vite fait. Hein. Mais non, mais vas-y. Mais, c'est en fait, mes grands-parents qui habitaient en Bretagne, ils habitaient vraiment. Genre de chez eux, tu vois le Leclerc de Pont-l'Abbé avec le. D'accord. Et comme c'est une espèce d'immense grande surface où il y a plein de trucs et ça évolue tout le temps et tout, nous c'était un truc, on avait trop envie d'aller au Leclerc. Genre on arrivait chez mes grands-parents, on allait au Leclerc direct parce que c'était l'endroit qu'on voulait visiter quoi. Ouais. Bon, bref. Et donc oui, genre on avait fait une grosse bêtise avec. Enfin, une grosse bêtise, une bêtise avec ma cousine, c'est qu'on avait capturé des. Alors c'est pas vegan, hein, du tout. On avait capturé des criquets ou des sauterelles, okay. Je sais plus. Et en gros, on ouvrait les camemberts. Oh. On mettait une sauterelle dedans. On l'enfonçait dans le camembert, on refermait, on les remettait dans les rayons. Oh, dégueulasse! Oh, horrible! Il y a vraiment des gens qui ont bouffé des criquets à cause de non, vous. Bah, en vrai, tu l'ouvrais, tu faisais bon bah. Il y a une sauterelle, quoi. A priori, il y a peu. Mais le. Faut y penser. Oui, j'avoue. C'est l'idée particulièrement. De ma cousine, hein. Particulièrement. C'était ma cousine. Ah, oui, voilà, t'as suivi. Non, mais elle a 6 ans de plus que moi. Moi, je suis là, j'étais gosse. Oui, bien sûr. Okay. Ouais. Mais on l'a fait. Ouais. Mais je l'ai fait. Voilà, je suis pas fier. Elle s'appelle Mercredi Méniel. C'est ça. Incroyable. Donc, on a fait ça. Donc, désolé, Leclerc de Poulimbé. T'as un petit TikTok, là, en hommage à ça. Ramène un camembert sans sauterelle dedans. C'est ça. Dans une enveloppe. Non, franchement, c'est une jolie bêtise d'enfant. Ouais. Vraiment, c'est joli. Ça, on voit que t'essayes d'être le bon folkloriste. Non, mais c'est vrai. Mais c'est pas trop grave, ça va, c'est mignon. Ouais, quoi. C'est. Denis la. Parce que Patrick Manitoula avait partagé une anecdote où il a poignardé un mec directement à la jugulaire. Mais qu'est-ce que ça va être? Non, en fait, j'ai très peu fait de bêtises. Ouais, peut-être que je les ai oubliées. Ouais. Oui, bah, t'oublies la semaine dernière, donc c'est possible. Je comptais vraiment sur Manon pour en raconter j'en une. Ai. Ah, alors vas-y. J'avais la bouche pleine, mais. Bon. Moi, j'ai volé des sucettes dans un cartable Choupa Choups où il y avait une pochette transparente, une poche transparente dans le cartable à l'avant. Et il y avait des Choupa Choups dedans pour donner envie d'acheter, bien sûr. Bien sûr. Et donc, ouais, avec une copine, on avait coupé le petit machin en plastique. Bien sûr. Et tu sais, genre vraiment, c'était la bêtise de ma vie, tu vois. Genre, on avait mis 3 sucettes, on en avait quand même laissé pour que ça se voit pas. Et vraiment, tu sais, genre, on a passé les portiques en transpirant à grosses gouttes comme en disant ça va sonner. Alors que, évidemment, non, il n'y a pas d'antivol dans chaque sucette, tu vois. Ouais, mais ça. Voilà, c'était ma plus grosse peur. Voilà. Mais par contre, j'en ai eu une où, en colo, j'étais aux éclaireurs éclaireuses de France pendant des années, les Scout Lake, sans uniforme et sans religion, meilleures vacances de ma vie. Mais il y avait un moment où on partait toujours pendant le camp 3-4 jours sans animateur, animatrice. Et donc, on avait dit, on va camper à la base nautique. Ils avaient dit, ok, camper à la base nautique, si vous vous baignez, vous restez dans la baignade surveillée. On a dit oui, bien sûr. Ouais. Mais souvent, quand un adulte dit la chose et n'est plus là, la chose est respectée. Exactement. Il y avait un gros rocher immense, un tout petit peu après la baignade surveillée. Et on s'était dit, oh, c'est bon, on passe sous la barrière et on va sauter depuis le rocher et on va faire ça. Donc on y va en groupe, on fait ça, on joue. Et au retour, il y en a quelques-uns en fait qui ne savaient pas très, très bien nager. Et qui, au retour, avec la fatigue et tout, ont paniqué. Et donc, au moment terrible, de passer. Là, c'est une vraie bêtise, pour le coup. Au moment de passer sous la barrière, il y en a un qui a vraiment perdu tous ses moyens. Tu sais, quand tu luttes pour ta survie et que tu réfléchis plus du tout, comme il s'est agrippé. Dans un camembert, tu veux dire. Par exemple, il s'est agrippé à une autre fille qui. Et du coup, ils collaient ensemble. Ouais. Et vraiment, genre, avec un autre pote, on est allé les porter pour. Enfin, on a essayé de les porter sur nos épaules en nageant. Mais tu sais, on avait pas pied, tu vois, genre. Terrifiant. Je me souviens vraiment d'avancer en voyant le niveau de l'eau monter en me disant ah, c'est comme ça que je meurs, c'est nul et tout. Goonies, quoi. Et d'un coup, tu sais, genre chercher le fond avec mes pieds et d'un coup le sentir et faire ouf. Et là, mon père devant le truc et je fais merde, c'est bras comme croisés. Ça que je meurs. Et on s'est fait super engueuler parce que les adultes avaient eu très très peur et en fait, c'était eux qui avaient fait une bêtise de nous laisser aller là. Ouais. Mais bref, donc ils nous ont engueulés à la hauteur dont ils ont eu peur. Ouais, c'est ça. Et en même temps, sauver une vie, c'est vraiment le truc de scout ultime, quoi. Bah oui, voilà. Bah, vraiment, ils auraient dû te décorer en fait. Ta grosse bêtise, c'est d'avoir sauvé des 2 enfants pour moi, c'est ce que je vois. Bah, c'est moi qui avais dit venez, on va au rocher. Ah, ouais, bon, ok, ouais. Provoquer leur mort, probable. Pour avoir une médaille. Bah, ça s'annule. Ma bêtise ressemble un peu à ça finalement. Ah ouais. J'ai voulu sauver quelque chose. Enfin, parce que je vais pas m'inventer des bêtises. Hein. J'ai beau réfléchir, j'en ai pas fait beaucoup. Dans on appelle mes ta souvenirs. Mère immédiatement. Mais alors justement, c'est la seule bêtise qui me revient justement. Et en plus, ça me permet de faire un hommage à Michel Blanc. On était au ski avec mes parents et j'étais sur le téléphérique avec ma mère. On descend du téléphérique et je devais avoir peut-être, je sais pas, 6 ans, un truc comme ça. On descend du téléphérique et ma mère, en fait, a oublié ses bâtons sur le téléphérique. Et je les vois et le téléphérique repart, tu vois. Et moi, comme un abruti, je me dis, je vais sauver les bâtons. Et je cours, je saute et le Oula. Mec du téléphérique arrête les téléphériques et me hurle dessus, vraiment me pourrit, genre. C'était des œufs ou c'était le télésiège? Non, c'était les télésièges, ouais. Ah, les télésièges. Oui. Et donc, j'avais sauté sur le truc pour récupérer des bâtons, tu vois, au risque de chuter, quoi. Donc, au péril de ta vie, au final. C'est la seule bêtise quand dont tu me disais sauver, tu parlais de sauver les bâtons. Les bâtons. Non, c'était juste voilà. pour dire, comme t'as dit que c'était pareil. Pas que moi, sur le même registre. Qui voilà. C'est toujours mieux que tuer des enfants, si je me permets maintenant. L'intention était bonne, quoi, voilà. Incroyable. Ouais. Moi, j'en voulais à mes parents quand c'était. Ils m'engueulaient sur des malades. Moi, j'étais un enfant très maladroit. Alors, on s'est rendu compte que j'étais archi myope 4 ans après, ce qui explique peut-être ma maladresse. Mais j'étais très très maladroit. Il se prend les murs et il avance en se frottant. Il est vraiment maladroit, putain. Non, mais j'avais fait une maladresse pour le coup qui n'a rien à voir avec mes yeux. J'avais une souris blanche dans ma chambre. En cage. Qui coûte moins de 7 euros, oui, dans cage. Et je... ouais. ouais, dans une non, non, mais avec ça, la, ça a pu être insalubre ouais. chez toi, voilà. Voilà. Voilà. Demande. Comme chez ton frère d'ailleurs. Quand je vivais dans un grenier, j'avais ma petite souris blanche qui dormait dans mon lit. Ouais. Non, non, je l'avais effectivement dans une cage et je devais la nettoyer souvent parce que ça pue l'enfer la sur terre. Pisse, voilà, ouais, c'est ouais, ça. C'est j'étais évidemment un ado-enfant immonde, donc je la lavais pas tu assez. Sentais pas. Je sentais pas les odeurs. Enfin, tu sentais, mais voilà, la, pas les... oui. Mmh. Ouais, la tienne surpassait celle de la piste. Et j'ai bouché la baignoire avec la paille. Et ça, vraiment, mes parents, ils m'ont fait dormir chez une amie à eux, tellement ils avaient envie de me tuer. Oh, voilà, tellement ouais, ils m'en va. Voulaient. Non, mais ça s'était accumulé, j'avais renversé. Moi, je renversais tout le temps du Tipex dans mon sac ah, à dos. C'est dur, je trouve. Un cartoon. Ouais, un cartoon. Mais vraiment des trucs nuls. Et donc, très maladroit. Ouais. Tous les trois dîners, je faisais tomber un verre. Enfin, tu sais, c'était des t'as une enfance c'est... pas facile. Hein. Non, mais c'est juste moi qui étais maladroit. Non, mes non, parents non, étaient non. Pas... Déjà, non, t'as vraiment dit que t'étais pas maladroit. T'étais. Ouais. Oui, mais tu vois, la baignoire, c'est juste que je faisais pas assez attention. C'est de la connerie. Mais après. Non, mais après. Moi, je trouve ça dur. Non, mais en vrai, la maladresse, c'est assez. Maintenant que j'ai une petite fille, quand l'enfant fait tomber un truc et que ça fait du bruit, ça tend, mais évidemment que c'est pas de sa faute, surtout quand c'est un bébé de 2 ans et demi. Bien sûr. Et donc la maladresse, c'est vrai que t'es toujours genre, je dis rien, mais tu vois. Et, oui, oui, et oui. Je pense que moi j'étais tellement maladroit que mes parents, normalement, ils étaient genre, oh, allez là, petit week-end chez la tantine ouais. là, ça va faire ouais, du bien. Le sentiment ouais. de rejet, il doit être quand même fort. Mais t'as parlé d'une souris blanche. T'as parlé d'une souris blanche, non, au début. J'ai eu une souris blanche parce que j'avais nettoyé la cage dans la baignoire. Ah, mais d'accord, la mémoire ouais. terrible. Je suis désolé. Waouh. Je me fais Patrick, peur. Patrick, t'es vraiment alcoolo là. Ça, non, parce que maintenant, en fait, j'ai 3 minutes. Non, mais c'est parce que doucement, hydromel le folkloriste là. Non, mais c'est parce que je sens mes gènes de folkloriste bouillonner littéralement. Tu parles de souris blanche, j'ai envie de raconter une histoire. Ah, allez, régale-nous. Bon, parce que hier soir. J'espère oui. qu'il est dans le cul de Richard Gere. Hier soir, les amis, c'était la veillée. Ah oui. C'était la veillée, c'est ce spectacle où voilà, on fait venir des gens sur scène pour raconter des histoires. Bien sûr. Et donc hier soir, on avait notamment Jordan Mechner, qui est le créateur de Prince of Persia. Mais je t'assure. Mais incroyable. Je t'assure, mon vieux, il était là. Putain. Il parle français, il vit à Montpellier. Mais bien sûr. Je pourrais peut-être pas le dire, faudra peut-être le couper ça. Je sais d'accord, pas. Tu nous diras, non, tu nous diras. C'est accessible. Mais attends, mais j'ai lu ces journaux. C'est génial ça. Ouais. De il, a sorti, de... il a sorti une BD qui s'appelle Ripley. Oui, Ripley, ouais. Qui est super. Attends, bref, putain, il était là. Tu m'invites pas. Et je rajouterai parallèlement que pendant qu'il racontait son histoire, il pleuvait sur scène. Oui, ça, oui, c'est ça, autre tu chose, vas, mais tu vas le raconter bon. Aussi. Et donc Jordan Mechner, dans sa BD qui s'appelle Ripley, il parle de sa propre histoire. Donc je rappelle qu'il a créé une légende du jeu vidéo à lui tout seul, Prince of Persia. Et il parle en même temps de la vie de son père et de son grand-père. Il établit des parallèles. Et donc il y a un parallèle assez étonnant. Donc lui, quand il a codé Prince of Persia, il avait une amie qui lui avait dit ce serait bien que le personnage principal ait une sorte de compagnon, un assistant. Et comme il n'y avait pas assez de mémoire sur les ordinateurs de l'époque, donc il a codé ça sur un Apple II dans les années 80, il s'est dit je vais créer une toute petite créature qui prendra pas trop de place, pas trop d'espace, quelques pixels. Il a fait une souris blanche ouais. qui aide le prince de Perse à exact. S'échapper de prison. Et donc en parallèle de ça, Jordan Mechner il retranscrivait les journaux de son grand-père, donc qui a échappé au camp nazi, sur un blog. Et il y avait des centaines et des centaines de pages. Et un jour, des années après avoir fait Prince of Persia, il s'aperçoit que son grand-père, dans son exil, a passé quelques temps dans une chambre de bonne. Et sa seule amie dans la chambre de bonne, oh, c'était une souris blanche. Incroyable. C'est mignon comme stylé. Voilà. Stylé. C'est mignon comme excusez-moi, j'ai pas pu me retenir. Mais t'as eu raison. Non, mais oui, bah, si, ne te retiens surtout pas. Dehors que dedans. Hein. Comme la bonne chasse. Ouais, allez, Floodcast. Un chirurgien risque de se faire rayer de l'ordre des médecins après une opération, à votre avis, qu'a-t-il fait pour mériter ça? Je le redis, rien de glauque, rien non, de... Voilà. Il l'a quand même diffusé en live sur Insta. Il a reçu bon nombre de subs. Il a enlevé un truc en trop? Alors, il a pas enlevé un truc en trop. Est-ce que ça a un lien avec l'opération elle-même ou est-ce que c'est en parallèle, c'est extérieur à l'opération? C'est pendant l'opération. Non, non, mais c'est pendant, mais tu vois, par exemple, s'il avait fait un live Insta, ah oui. c'est pas l'opération elle-même. Non, c'est l'opération elle-même, c'est okay, l'opération elle-même. Il a fait une connerie. Bah, l'opération s'est bien finie. Mais est-ce que c'était volontaire ou involontaire ce qu'il a fait? Tout à fait volontaire. Il s'est fait rayer de l'ordre des médecins? Non, il risque. C'est pas ah, encore il risque acté. De, d'accord. Il a volontairement fait un truc. Où il les a, gens disent oh, pas ouf. Il a refait les seins de la meuf. Il a du bol. Alors qu'elle venait pour un kyste. Ah, oui, non, il a fait un truc qui n'était pas demandé par la patiente ou le patient. Non, c'est pas ça. Il a fait intervenir une personne qui devait pas être là? Alors non, mais oh, une quelque blanche, part peut-être. On s'approche. Une souris blanche. La dernière fois que je suis venue au Floodcast, il y avait une news comme ça d'un ah chirurgien qui avait fait intervenir ah oui, oui, le concierge. Eh ben, je me suis demandé si t'allais nous sortir le même. Alors, je sais que ça peut arriver, hein, parce que je perds la tête aussi. Je propose, il a fait venir des spectateurs, des personnes pour assister à l'opération. Alors, on l'applaudit. Non, une sorte de veillée, tu voudrais dire, oui, oui. Célèbre chaîne YouTube. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, mais tu sais, effectivement, la news où on disait il y avait un concierge qui était venu, on s'approche d'un truc un peu similaire. Alors, il a pas fait venir quelqu'un. C'est juste qu'il a. Il était au téléphone pendant tout le. Oh non! Non, je sais pas. Ah non, mais ça, j'ai l'impression que ça me choquerait pas. Ah ouais? Moi, le docteur est au. Tu sais qu'ils ont fait. Alors, moi, c'est pas si une ma news... vie est en jeu, sois pas hôtel en même temps, quoi. Moi, c'est pas une news du Vlogcast, mais j'ai vu que ça y est, ils commencent à faire des opérations chirurgicales à distance. Ah oui? Genre, avec le gars robots, voit sur un écran le truc et fait. Ouais, avec des robots qui refont les gestes du docteur. Voilà, j'ai trouvé ça assez. Je me suis fait opérer la semaine dernière, figurez-vous. Mais donc. Je me suis juste fait enlever des petits kits sur la tête, ouais, justement. Ouais. Mais sans anesthésie générale. Donc, j'ai bien. Tu sais, t'es anesthésie, t'as juste la piqûre qui fait mal, mais après, t'as pas mal, mais tu sens que ça. C'est bizarre. Ça travaille, c'est pas. On n'aime pas. Là, ça doit être étrange. Et après, j'ai tourné la tête et ils étaient. Ouais, voilà, exactement, où tu sens que ça trafique là. Donc, t'es pas très agréable. Non, mais n'a pas déconné. Est-ce que les médecins, il y a un vrai truc sur. Parce que moi, si on peut avoir tout le temps anesthésie générale, je serais ok, moi, tu vois. Il y a un vrai truc, tu c'est penses pour la santé, c'est pas ouf. Hein. Ah, c'est pas ouf. Ah, ouais. C'est quand même dangereux. Hein. Ah, ouais. En plus, plus tu vieillis, rien, tu vois bien que j'y connais rien. Puis tu prends cher pour juste là, c'était chirurgie de confort, pour être honnête, rien de. Voilà. Mais du coup, une anesthésie générale où t'es dans le pâté pendant une journée ou plus derrière pour ça, ce serait peut-être un peu. Moi, je m'étais très bien mis à répétition, je crois que c'est vraiment mauvais pour l'organisme. En plus, plus tu vieillis, plus t'as des risques. T'as des risques de d'y rester, quoi. S'il y a des gens qui nous écoutent et qui vont bientôt se faire opérer, c'est jamais. Totalement safe, l'anesthésie générale. Il y a toujours un petit risque. Hein, bon. C'est vrai que ça fait peur. Mais l'anesthésiste, il m'avait dit une fois : est-ce que vous avez peur de prendre l'ascenseur ? Non. C'était ce truc de vous avez plus de chances d'avoir un accident d'ascenseur que. Oui, mais n'empêche que si je m'arrive pas, j'ai peur. C'est ça. Mais bon. Mais d'accord, ok. Non, mais moi, parce que j'avais eu les deux sur. J'avais eu des problèmes au pied, moi. Mm. J'avais eu d'abord l'anesthésie locale, et effectivement, j'avais détesté parce qu'en plus, je reste comme ça. Ouais. Pour pas voir parce que ton pied il est tu le vois très facilement et il m'avait fait une anesthésie générale après et j'avais adoré. Oh là là, le ils avaient mis de la musique. Petit bonbon avant, là, je me souviens de partir sur une chanson de Supertramp et tout, tu sais, j'étais genre oh là là. Goodbye Stranger. Ouais, non, mais alors c'était génial. Non, mais tu sais ce que c'était trop mais, et je te jure sur ma vie que c'est vrai, c'était Don't Leave Me Now, ce qui après coup est terrible si j'étais mort pendant l'opération. Don't Leave Me Now, c'est vraiment terrible. C'est vrai que là j'étais sur le ventre mais je le voyais poser ses ciseaux à côté de moi plein de sang là. Ouais, ça, pas gaffe les en plus. Petites boules à la fin, j'ai fait ah c'est ça. Il m'a fait oui c'est ça, vous avez vu, genre tu sais content. Fait, non là c'est là que je vais tourner de l'œil. Bah oui c'est ça. C'était peut-être pour faire une anesthésie générale, mais tu vois, bio, tu vois, c'est toi qui tombes dans les pommes toute après seule. L'opération. Ouais, c'est ça. Bah, du coup, ça nous fait pas avancer sur le dossier. Non, alors, c'est qu'est-ce qu'il a fait Donc, attends, tu dis que c'est assez proche. C'est pas par rapport aux organes. Pensez chirurgie, tu fais quoi quand c'est une chirurgie? Tu peux retirer quelque chose. Alors, tu retires pas, mais avant même de retirer, tu ouvres. Tu te laves les mains. Tu ouvres. Oui, d'ouvrir. Il a laissé quelqu'un d'autre le faire. Non, il l'a fait avec un accessoire. Il a laissé quelque chose dedans. Alors, il a rien laissé dedans. Alors, il a utilisé un accessoire, on n'est pas loin. Et pour ouvrir, il a pas pris un scalpel, il a pris ses clés. Alors, il a pas pris ses clés, mais tu. Mais c'est un autre accessoire qu'un scalpel. C'est ouais, mais ça va des être ciseaux. Un peu décevant. Un cutter. Une truc à pizza. Un couteau. Un couteau, mais. Un couteau suisse. Son petit couteau à déjeuner. Comme tu as toi. Un petit couteau pour étaler du beurre sur un. C'est un petit Leatherman porte-clés, moi. Alors, c'est peut-être un petit Leatherman. D'ailleurs, on n'a pas. Bon. Dis-moi. Mais non, mais tu m'as dit que, du coup, apparemment, il y a des gens de la sécurité de Disneyland qui écoutent le Floodcast. En gros, j'ai dit que. Alors, ouais, remets-toi dans l'ordre. J'ai un petit Leatherman en porte-clés. Je suis allé avec ma famille à Disney. On t'a vu sur les réseaux. Voilà. Et moi je suis con, j'avais oublié que j'avais mon Leatherman et tout. Et donc à la sécurité, ils m'ont dit vous pouvez pas rentrer avec. Et ils m'ont un dit couteau. Avec un couteau. À Disneyland Paris. Parce que j'ai compris. Après c'est vraiment un tout petit couteau. Après tu peux tuer un gosse avec. Le capitaine Crochet, il a une épée. Voilà, bon bref. Et le mec m'a dit mais par contre vous pouvez aller au Monop qui est juste à la gare et il vous le garde en caution. Payant. Et vraiment tu sens que c'est un truc vraiment au black et tout parce que vraiment ils te mettent ça dans une poche en papier. Bon bref. Et apparemment j'ai reçu un message sur Insta, quelqu'un qui dit il doit y avoir quelqu'un chez Disney qui écoute le Floodcast parce que il y a eu la personne disait qu'elle bosse à la sécurité et ils ont eu tous une directive genre c'est fini, vous dites plus aux gens qui peuvent aller à Monop quoi. Ça sert la vie. Mais en vrai, il y a peut-être le patron d'un Monop à Marne-la-Vallée qui recherche Adrien Méniel en disant putain mon business. T'es comme dans Les Affranchis qui va lui mettre non, non, mais, couler les pieds dans le béton. Va au parc à Cérix la prochaine fois. Non, mais par contre, mon message pour vu qu'il nous écoute chez Disney, d'accord, mais mettez des consignes parce que moi mon couteau, comme j'ai dit, il n'est plus fabriqué, il n'est plus en vente, tu peux plus le trouver. Ouais. Et je, franchement, j'aurais été vraiment deg de devoir le jeter à la poubelle. Bah oui, bien sûr. Et ça m'aurait gâché mon. Limite, j'aurais hésité à. Je sais pas, je me serais barré, j'aurais essayé de trouver une solution, ça m'aurait vraiment gâché mon truc, quoi. Bien sûr. Donc. Voilà, ouais. Mettez en place une consigne, ce sera de l'argent en plus pour vous, là. La c'est thune, là, Disney, là. En plus, on peut acheter des couteaux à l'intérieur, hein. Vous allez à la boutique de Pirates des Caraïbes, il y a des épées énormes. Ah oui, oui, c'est vrai. C'est... Alors, là, il y a une mini différence. C'est du plastique, c'est mais je suis d'accord avec toi. C'est la même chose. Je peux tuer un gosse avec, hein. Il faut. T'as la rage en toi. C'est possible. Quand on veut, on peut. Ouais, voilà. Comme dit mon coach Lucio dans mes oreilles quand je cours. Mais attends, on peut revenir sur ça. C'est une appli, c'est l'appli Nike. C'est une appli d'un mec qui t'encourage. Non, c'est l'appli Nike qui est gratuite. C'est pas un placement de produit. Me saoulez pas. Et donc, Moi, mes dernières photos Insta, il y a quelqu'un qui a dit c'est de l'IA. Je dis oui, bah oui, pauvre con. Je génère des photos en IA et je les mets parmi mes vraies photos, quoi. C'est de l'IA. Non, je suis allé sur une montagne déguisé en magicien. Voilà. C'est la vérité. Voilà, c'est vrai. Et donc, pardon, oui. Qu'est-ce que j'ai oublié? Pardon, l'appli Nike. Oui, non, voilà, c'est juste. Bah, du coup, tu peux soit juste lancer le chrono et il te dit quelle distance t'as fait pour garder un petit calendrier de ton entraînement. Ouais. Bien sûr. Et tu peux avoir des programmes audio. Et comme depuis le début, mon but c'était de courir 30 minutes. Et donc de faire un petit peu plus tous les jours jusqu'à ce que ça fasse 30 minutes. Et maintenant que je l'ai atteint, je m'ennuie un peu. Ouais. Donc je me suis dit, tiens, je vais mettre des programmes pour changer. Donc il y a Coach Lucio qui me parle dans mes oreilles. Des fois, j'aime bien parce qu'il me dit quand même, le but, c'est de prendre du plaisir. T'énerve pas, Daniel. Ah, ouais, ça m'a rendu J'ai brisé cette serviette en papier. Là. Mais voilà, bref. Donc mais il parle par-dessus ta musique ou t'écoutes pas de musique? Oui, ah, oui, c'est ça. Il m'épose sur, l'appli que t'as en train d'écouter. Enfin, il chante sur l'air. mais ça peut me rendre fou déjà qu'un coach. C'est une appli qui couvre l'autre, tu vois. Ouais, ok. Parce que moi j'avais eu très peu de temps un coach sportif et j'ai à une époque où je voulais faire de la boxe. Mais... pas pro, hein, je vous rassure, n'ayez pas peur, mes mains ne sont pas des armes encore, mais j'en faisais pour me détendre. Et en fait, je n'ai pas aimé le rapport au coach. Quoi. Ouais. C'est vraiment mon cerveau qui a envie de lui dire tout le temps ta gueule. C'est horrible. Du coup, quoi. Comme c'est pas un vrai gars avec moi, je me dis c'est bien. Bah, en fait, je peux rager contre lui et machin, mais ça marche quand même parce que t'as quand même un gars qui te dit vas-y, fais-le et tout. Je fais bon, d'accord, je fais ce dernier. Aujourd'hui, j'ai fait fractionner. J'étais là, bon. D'accord, fais le dernier fractionné. C'est coach Lucio. Fabio Lucci. Lucio, mais là, ils lui ont mis un petit accent ou... Non. Tu veux peut-être le changer. Un accent de coach de sport. Exactement ce que tu peux imaginer d'un gars qui. Ouais, je vais pas l'imiter. Okay. Mais qui parle comme un coach de sport. Quoi. Moi, j'ai une idée d'appli de running. Ça se trouve, ça existe déjà, je sais pas. Mais d'ailleurs, vous la retrouverez dans Hot Ones, normalement, sauf si ça a été coupé au montage. Mais en gros, une appli. Parce que, en gros, qui te géolocalise en permanence. Mm-hmm. Et qui recherche des faits insolites sur le lieu auquel tu te trouves. C'est mon appli, je suis désolé. Ouais, Patrick est passé à côté. Et qui te raconte en fait, qui te fait un audio guide en permanence, tu vois, qui va chercher des infos et qui te les raconte genre avec l'IA qui peut rédiger du texte et tout. Ouais. Mais je me dis le petit plus, ce serait avec ta voix. Oh là là. Donc t'as Patrick qui te dit dans ce lieu très insolite. C'est trop bien. Quelqu'un chiant. Tandis que tu dis du cul comme un salaud. Du coup tu peux me courir. Sur notre droite, les bâtiments historiques, des machins. Mais oui. Je sais que ce podcast est très écouté. Donc si vous avez envie de développer une appli, contactez-moi. Moi je suis ouvert aux propositions. C'est mon appli par contre. C'est celle de Patrick. C'est une collab. J'écris les textes. Voilà, c'est ça. Bien sûr, évidemment. C'est une trop bonne idée. Parce que je serai cliente. Du coup il y aura un côté je vais aller dans des endroit où je suis jamais allé et je vais, tu sais, il y a un côté ludique quoi, parce qu'en fait je me suis dit moi je déteste courir et qu'est-ce qui pourrait me motiver à courir, d'apprendre des trucs et je vais challenger ton idée Adrien parce que c'est comme ça que ça fonctionne à Paname, je suis d'accord, mais par exemple dans une petite ville t'as vite fait le tour des anecdotes un petit peu de l'endroit. Bah, peut-être que le truc il invente. Ah, okay. Donc Audible, tu es en train d'inventer. Non, oui, effectivement, c'est dans les grandes villes, ça marche. Sûr, évidemment. Non, mais ça peut être des ragots sur les gens, tu vois, genre la boulangère, il paraît qu'elle a fait ça, ou le boucher, il a fait ça. Non, ça peut être pas mal. Oui, tu peux lancer des histoires d'une certaine durée, par exemple. Genre tu quand t'es arrivé à tellement de l'histoire, en fait demi-tour, vous êtes à la moitié du parcours. Franchement, ça peut être charmé. Mais moi j'ai vraiment ça quand je cours, je passe mon temps à piéger mon cerveau. Genre la musique, au bout d'un moment j'en ai marre, donc je mets un podcast. Et ou alors l'inverse, le podcast ça me saoule. Bon bah faut que je mette autre chose pour piéger mon cerveau, sinon très vite faut que j'oublie que je cours en fait. C'est bizarre, mais faut que je me concentre sur autre chose que l'effort. C'est ça que mon coach, ça marchait pas, parce qu'il avait toujours cette phrase que j'ai d'ailleurs mis dans la flamme. C'était genre, la souffrance, c'est une information. Et tout était tout le temps une information. Ouais. Et j'étais genre, mais arrête de me le rappeler, du coup. Parce que vraiment, sauf qu'on n'est pas des robots, donc. C'est une phrase culte dans la flamme, d'ailleurs. Ben, en tout cas, c'était mon coach qui n'arrêtait pas de dire ça. Donc, oui, ce chirurgien, qu'est-ce qu'il a fait, cette ordure? Il ne faut pas écouter même les coachs. Les conseils des gens disent tous de la merde. Tous. Un chirurgien a opéré un patient à l'hôpital royal du Sussex à Brighton en Angleterre lorsqu'il a prétendu avoir eu du mal à trouver un scalpel. Le médecin s'est alors servi d'un couteau suisse qu'il utilisait habituellement pour couper des fruits pour son déjeuner. Genre quand même le truc il a désinfecté. Il a sûrement lavé. Le patient a survécu, mais des documents internes montrent que les collègues du chirurgien ont jugé son comportement discutable et ont été très surpris qu'il n'ait pas pu trouver. En fait. Bah, je m'étonne. Mais écoute bien, l'université Hospital Sussex a déclaré que l'opération était une urgence, mais que les actions du chirurgien étaient en dehors des procédures normales et n'auraient pas dû être nécessaires. Hôpital couteau Sussex. Oh, c'est oui, bien sûr. Mais moi, si c'est désinfecté et tout, et le mec il a agi dans. C'était une urgence et tout. J'ai deux dernières petites lignes. Bon, ok. La BBC a également découvert que le même chirurgien avait effectué trois opérations soi-disant à faible risque en deux mois, au cours desquelles les trois patients sont décédés. Oula. Peu de temps après. Ok. Avec des tire-bouchons. Non, mais après. Mais ça, c'est une bonne raison de le radier. Avec une roulette à pizza. la roulette à pizza. De la maman en plus. Mais est-ce qu'on sait ce qu'il a ouvert exactement? Parce que j'ai pas toutes les infos. Pour moi, c'est le ventre. Peut-être des parties plus tendres que d'autres. Et Patrick Boucherie. Tout de suite. Airbnb propose un week-end dans un endroit assez atypique du côté de Toulouse, savez-vous? Ouf. Et maintenant, dès que j'ouvre l'appli, j'ai des lieux insolites là. Alors, je crois que c'est leur nouveau truc. Je pense qu'il y a peut-être un truc d'illégalité avec les hôtels. J'ai jamais suivi moi. Je crois qu'Airbnb à un moment ils étaient. Pour Airbnb, je crois. Ouais, je crois. Plus ça va, moins ça va. J'ai l'impression. Et du coup, je crois que leur nouveau truc, c'est de dire, c'est dingue. On fait des collabs, tu vois. Est-ce que c'est un musée? Alors, ce n'est pas un musée. C'est la ville de Toulouse. Il essaie de placer le promo là. Place progressivement mon produit. Un musée un peu curieux. T'as vraiment été là, genre. T'as parlé d'une souris. Alors, à la veillée, qui est tous les mois, effectivement, au théâtre Saint-Bernard. Le musée d'histoire naturelle à Toulouse, tu l'as mis dans ton livre? Le musée d'histoire naturelle de Toulouse, non. Ou celui avec la momie? Pas assez insolite. Le musée Georges Labit, et non pas Labit, malgré le T. Et malgré que normalement à Toulouse, on prononce toutes les lettres. Mais bref. Il y a une momie là-bas? Il y a une momie à Toulouse, au musée Georges Labit. Putain, par contre, j'ai mis le muséum d'histoire naturelle de Toulouse. Oui, c'est ça que je veux dire. Dans l'étrange escale de Toulouse. Oui, bien sûr. Évidemment. C'est sur YouTube. Tu as passé du temps à Toulouse, toi-même. J'ai fait une bonne partie de mes études. Ouais. Oui, bien sûr. La ville rose. Et donc là, Toulouse, ça. C'est la même. Toulouse, ça, c'est important dans la réponse que l'on cherche. Toulouse, c'est important. Donc, du cassoulet. Oui, voilà. Mais zone du cassoulet. Oli, alors. Ah oui. Big Flo et Oli. Mot-clé. Chez Big Flo. Dans la maison de. Évidemment. Ah, là, est-ce qu'elle est là? Nougaro. Nougaro, merci. Non, pas Nougaro, mais on est dans la maison d'une célébrité. Dans la maison d'une célébrité. Pas Dali. De Toulouse. Non, je sais pas. Pas du tout, je pense. Attends, c'est pas la chambre d'hôtel de Saint-Exupéry? Non. Parce qu'elle est à côté de la place. Elle est à côté de la place du Capitole, excusez-moi. Comment ça, la chambre d'hôtel de Saint-Exupéry? En fait, il y avait un hôtel dans lequel allait. Oui, c'est pas si c'est Saint-Exupéry. Dans lequel allaient tous les jeunes aviateurs dans les années 30. Et Saint-Exupéry avait sa chambre attitrée. Et elle est restée dans son jus, figure-toi. Ils n'ont pas changé la déco. Ça, c'est une expression qui me dégoûte, malheureusement. Surtout qu'il s'y est sûrement branlé, évidemment. C'est ça, le jus de cul. Bah, c'est de ça que je parlais. Ouais. Hein, voilà. C'est le jus de Saint-Exupéry. Le jus dans un hôtel, on sait de quoi on parle. Une célébrité toulousaine. Une célébrité toulousaine. Saint-Exupéry. Ouais, oui, pourquoi pas. Oh, bah, je sais pas. Vous savez qui est de Toulouse? Émilie Image. Ah. Et bien alors, attention. À la fête de la musique, j'ai vu l'orchestre du Capitole avec Émilie Image. Pardon, je me permets. C'est Gold qui vient de Gold vient de Toulouse. Oh là là. Parce que Émilie Image, c'est la fusion. Non, Gold, c'est le nom du groupe. Image, c'est un autre groupe. Et après, ils ont refondé un autre groupe avec les deux membres et qu'ils ont appelé Émile et Images. Émile étant le chanteur de Gold. Et oui, bah bien sûr. Émile et de Toulouse. Si je peux me permettre. Non, mais en tout cas, j'ai entendu. De devenir folkloriste là, j'ai l'impression. J'ai entendu des gens faire les démons de minuit avec des violons derrière qui faisaient tout, tout, tout, tout, tout. Ça, j'adore. C'était magnifique. Tu sais que ça marche toujours sur moi. Les groupes, même quand il y a des métalleux qui font ça avec des violons et tout, à chaque fois, ça me fait un petit truc, moi. Apocalyptique. Bien sûr. Mais même Émile et Images, ça peut. Moi, je suis très sensible à ça. Un autre délire, celui qu'Apocalyptique. C'était super. Qui d'autre comme personnalité toulousaine enfin, non mais attends, c'est une personnalité qui est c'est connue pour venir de Toulouse. Ah oui oui. Bah mais Eric Desmusclés. Oh salut les copains. C'est une personnalité d'il y a longtemps. Même moi je l'ai pas. Non très récente. Très récente. Très récente, je vais vous donner son âge même. Bougez pas. Je t'en prie. Bah non mais attendez. Ah attends, ça doit être il est 27 ans. Un Olympien. Ah, attends, mais. Jeux Olympiques. Ouais. Léon Marchand. Ah, non. Ah, bon. Ah oui, d'accord. Toulouse. Je sais même Toulouse. Pas qui est de nos Olympiens. Ah, attends, mais putain. Une star du sport. Le. Je suis à côté. Félix, les frères qui jouent au ping-pong. Teddy Riner. Teddy Riner. Félix, les frères qui jouent au ping-pong. 27 ans, leur nom. 27 ans. Attends, il a 27 ans. Il a 27 ans. Il va sur ses 28. Il est né en 96. Je pense que les auditeurs l'ont. Hein. Natation ? Non. Attends, mais Toulouse. Ah, putain. Oh, je l'ai pas dit. Le rugby, là. Dupont. Antoine Dupont. Oh, la maison. Oh. Bah non, mais la maison d'Antoine mais Dupont. Toulouse, franchement, rugby, bon. Bah, évidemment. Oui, c'était l'avion ou c'était le rugby, de toute façon. Franchement, moi, on me dit, hé. Là, c'est la maison d'Antoine Dupont. On passe la nuit, je fais rien à foutre. Voilà, rien à foutre. Mais on l'embrasse. Hein. Oui, non, ouais. Ouais. Alors, c'est pas du tout contre lui. Ouais. Mais vraiment, elle est dans sa maison. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre, quoi. Oui, allez, mais tu vois, on parlait de Dali. Tu vois, tu te dis, bon, bah, il est excentrique, ça doit être marrant. Là, ça doit être dans le jus de Saint-Exupéry. Mais là, c'est genre, ouais, bon, c'est une maison. Alors après, il propose pas que ça. Il s'appelle Dupont. Il s'appelle Antoine Dupont. Donc ouais. En fait, c'est une maison de qui a appartenu à des Dupont, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, générique. C'est pas exactement à Toulouse, c'est à Castelnau-Magnoac, petit village de 800 âmes. Déjà en plus. Des Hautes-Pyrénées et berceau de la famille d'Antoine Dupont. Il possède une maison. C'est ainsi que le rugbyman propose d'occuper gratuitement lors des prochaines vacances de la Toussaint, précisément le 22, 23 et 24. C'est une collab. Hein, ah, bah, gratuit. Oui, enfin, gratuitement. C'est une collab. Oui, bah, quoi, parce que Airbnb lui donne de la thune et lui dit bah, c'est gratuit. C'est ça, c'est ça. La maison. Ah, mais c'est lui qui va. Et en fait, il sera dans la maison aussi. Quoi ? Alors, pas toutes les nuits. Mais ah ouais. Tu pourras bouffer avec lui. Ça, ouais, c'est dans une le OP, c'est une OP, mon pauvre. Malheureusement, rien à foutre quand même. Même s'il est là. Après, je regarde pas le rugby, tu vois. Avec mais... qui aimeriez-vous faire un Airbnb comme ça ? Très bonne célébrité. C'est bonne la question, idée, ça. Mais non, mais j'adore. Bah, non, c'est marrant parce que j'allais dire spontanément, je pense pas qu'il y ait. Il y a aucune célébrité où. Cohabiter, c'est autre chose. Non, mais genre, en vrai. Il y a plein de gens où si je me lie d'amitié avec eux machin et le destin fait qu'on se retrouve autour d'une table, oui, génial. Ouais. Mais si c'est genre je paye, enfin ou je paye pas, oui. Et c'est genre lui il sent un peu obligé d'être là et tout, horrible quoi. Oui, même oui, si c'est mon oui, idole, oui, tu vois. Au prix où si c'est Shabba, il est genre cringe. Salut, ça va. Cringe. Alors tu es acteur aussi. Ouais. Ah, j'aime trop les nuls. Horrible. Et j'ai amené un Uno. Horrible. Oui, mais toi, après tout ce qui est ces trucs-là, de toute façon, de base, ça te met. Moi, par exemple, non, j'ai moi, aucun problème avec la dédicace, par exemple. Moi, j'aime bien la dédicace. J'ai pas ce truc qui me met mal à l'aise de. La dédicace au singulier, on dirait que tu parles d'un sport. J'adore la dédicace. Oui, c'est une sorte de sport de boule, un peu. Tu vois, je fais de la dédicace. Ces chasseurs de dédicace, là, c'est un sport. Hein. Ah, ouais, horrible. Ça, c'est glauque. Mais là, c'est vrai que c'est un petit peu comme les célébrités qui font des vidéos sur Vidéoléo. Oui, je vois très bien. Des vidéos payantes, tu connais pas ça ? Si, bien sûr. Attention parce que c'est une spirale hein. Une fois que t'es dedans en fait c'est des célébrités. On dirait que t'as claqué toute ta thune. Mais le truc c'est que tu peux avoir une vidéo de Franck Leboeuf. J'ai claqué 200 000 balles. Tu peux en regarder, c'est ça qui est terrible hein. C'est que t'es même pas obligé de payer. Il y a des exemples en fait. Quand tu vas sur le site, tu peux choisir une célébrité. Généralement c'est des célébrités un peu fanées. On va le dire gentiment. De ton enfance quoi, souvent voilà. Et donc tu peux payer une vidéo pour que la célébrité en question souhaite un bon anniversaire à ta cousine, etc. Après Patrick par exemple, Patrick, il a un peu un sport pouvoir, il s'intéresse aux gens très vite. Oui. Donc je me dis, si on a un dîner, il y a Shabba et il y a Patrick. Je sais que Patrick pourrait mettre une espèce d'ambiance ou d'un donc coup. Donc tu veux dire, il faudrait qu'il amène Patrick avec moi. Je pense qu'il faut prendre Patrick dans sa part. Ou un autre folkloriste. Un folkloriste, quel qu'il soit. Nous sommes très peu dans le game du folklorisme. Si Patrick proposait demain une entreprise de folkloristes qui peuvent vous accompagner à des dîners, à des pour des raconter rencontres, des anecdotes, voilà, pour créer un peu du lien entre les gens, moi je serais ok. Mais c'est vrai que si vous écoutez le podcast et que vous êtes en train de réfléchir à une start-up éventuelle, contactez-moi. Je suis Patrick a besoin d'argent en ce moment. Non mais c'est vrai que t'as le carnet d'adresse le plus fou, Patrick. Genre de temps en temps, il me dit oui, comme cette soirée que j'ai fait avec Bernard Werber, mais également avec telle star du métal ou encore. Tu vois, genre je suis là, mais quelle est ta vie? Et il raconte des anecdotes dans sa besace parce qu'il s'intéresse aux gens. Mais toi aussi, Manon, quand même. Oui, bah, loup ou stalking, j'ai envie de dire. Bien sûr, bien sûr. Tous autour de cette table. Et Adrien aussi, l'inverse. Non. Permets de vous interrompre, je suis sur Wikipédia l'article La liste des folkloristes français. Je vais voir si t'es dessus. Tu déconnes. Ah, mais j'ose essayer. Ça existe. Mais il y a peut-être. Bah, si quelqu'un veut rajouter Patrick Beau. Ah oui, oui. Parce que si je le fais moi, bon, on va dire que c'est truqué. Non, là, il y a une liste des folkloristes français et il n'y a pas Patrick Beau pour l'instant. Dingue. C'est dingue. Fou. Donc, d'ici la semaine prochaine, c'est réglé. Il y a par exemple Félix Arnaudin. C'est quand même bien un nom de folkloriste. Alors, j'ai l'impression que c'est quand même. Pour moi, c'était un dialectologue, mais après, c'est moi. Je veux dire. Ça a l'air très masculin, le milieu des folkloristes. Il y a Simone Morand. Simone, s'il te plaît, oublie pas Simone. Ça, pour invisibiliser les folkloristes. Mais alors, ce qui est marrant, c'est très, que. Très peu de femmes, hein. Marie-Louise Tenez. Depuis qu'il y a ce mot sur ma page Wikipédia, ça fait quelques années déjà. Quand je fais des interviews pour des bouquins avec des gens qui me connaissent pas trop, tu vois. Ah oui. Bon, alors, Patrick Beau, vous êtes folkloriste, machin. Moi, j'ai cessé de lutter, en fait. J'ai dit oui, je fais ça. Bien sûr. J'accepte le titre. Je sais pas qui est la personne qui a eu cette idée-là, mais en même temps, c'est assez marrant, tu vois, ça fait un truc, on peut en parler. Bien sûr, quoi. Bah, c'est un sujet. C'est un sujet. En tout cas, chez ce sacré Antoine Dupont, où il vous présentera également ses trophées et ses médailles, dont la dernière en acte, évidemment, médaille d'or qu'il a eue aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Ça, c'est quelque et chose. C'est vrai que depuis quelques mois, Airbnb propose des logements atypiques. Il y a eu le Marais de Shrek. Voilà. Ah oui, ça, le Polly Pocket, moi, j'ai eu dans mes propositions. Attends, le Marais de Shrek, du coup, c'est en France, ça? Non, ça, c'est aux États-Unis. Ah oui, d'accord, on est d'accord. Je crois, c'est pas genre en Écosse où c'est Elena Situation qui est allée à Léo là-bas. C'est ça. Mais j'avais l'impression que c'était quand même en Europe. Mais je me trompe. Non, mais peut-être. Je lance des trucs, je vérifie pas. Ah oui, je vérifie. Patrick Beau le fait. Patrick Beau. J'ai mélangé Patrick Beau et Pascal Pro. Oh, c'est incroyable. Rien à voir. Je suis retombé sur une vidéo de Pascal Pro parce que je disais que j'aimais bien le Pascal Pro interloqué. Et il y avait. Je crois que c'est c'est Jean-Claude Bourré quoi qui était invité et qui prenait des photos. Vous vous rappelez pas ce truc? Non. Où il y a Jean-Claude Bourré et il a son genre à un moment il a son J'sais téléphone. C'est Jean-Claude Bourré. C'est un vieux animateur télé quoi. Ouais. Et genre il est vieux maintenant quoi et à un moment il a vraiment son téléphone à bout de bras comme ça. Parce que c'est pour qui fait Jean-Claude, qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que vous faites? Vous faites des photos? Il fait oui. Non mais attends, mais t'as vu ces interviews de Jean-Claude Bourré où il explique qu'il a interviewé un extraterrestre? C'est complètement c'est dans la chasse en fait. Ouais, c'est un journaliste Bourré, un ancien journaliste de TF1, il faisait le JT etc, et depuis quelques années il est vraiment obsédé par le sujet des ovnis, des aliens, des UFO, et il est passé sur plusieurs plateaux télé, mais récemment, genre il est passé chez Hanouna etc. Bien sûr. Pour expliquer qu'un jour, il faisait une interview d'un politique, je crois, sur le plateau du journal, et il a senti que le politique était un extraterrestre qui a essayé de rentrer dans sa tête. Politique en question était Bill du Big Deal. Il a jamais voulu dire qui était le gars, en fait. Ouais. Je pense que c'était pas du tout Jean-Claude Bourré, le mec. C'était quelqu'un d'autre. Des photos, j'ai tu veux dire des photos? C'était pas lui. Voilà. Ne m'envoyez pas de message, c'était pas lui. C'était quelqu'un d'autre. Et donc, oui, Airbnb, effectivement, il y a aussi la maison avec les ballons de là-haut, la maison de Barbie. Donc, oui. Tu as dit effectivement la maison Play Pocket, la maison utilisée par Prince pour son film Purple Rain. Okay. Ou encore le QG des émotions de Vice Versa. Qu'est-ce que t'as envie de dormir dans le QG des émotions de Vice Versa? Ça me glace le sang. J'ai fait une expérience très sympa. Ça a coûté un petit budget, mais je trouve que ça vaut le coup. C'est d'aller dormir dans la chambre de Rosa Bonheur, c'est une peintresse espèce de féminisée du 19e siècle, et sa maison est au sud de Paris, là je sais plus vers quel bled et tout, c'est accessible en RER, ouais. Et tu peux visiter l'atelier et tout, et également il y a deux chambres à la location et tu peux passer des nuits, j'avais fait avec ça avec Charlie Danger et Salomé Saké, et c'était trop cool, et tu dors vraiment dans le château et tout, on s'était fait le dîner dans la salle, enfin franchement bon c'est un budget, mais je trouve que c'est une expérience sympathique et qui m'amuse plus qu'aller dans une nuit Polly Pocket toute fabriquée. Bien sûr. Mais moi j'adore ce truc de les artistes me fascinent et tout, mais j'avais fait le musée Ghibli de Miyazaki, et à un moment il recrée vraiment son atelier. Et vraiment, c'est, en plus, c'est génial parce que t'as même pas de barrière, t'as rien. Enfin, c'est vraiment, tu te balades comme si t'étais dans la maison du gars. Mais ça, c'est trop, ça, c'est bien. C'est génial. C'est vraiment, c'est, parce que moi, je suis pas très musée. On en parlera, Patrick. Ouais, bien sûr. Mais là, je trouve qu'il y a un truc génial parce que tu décides vraiment de. Les maisons musées, comme on dit, qui sont vraiment immersives, moi aussi, je préfère. Ou même, tu vois des tableaux du 19e dans leur contexte, ça fait beaucoup plus de sens que dans des grands murs à la suite et tout. Je trouve ça, aussi. Mieux pour comprendre l'époque, tout simplement. Même si en vieillissant, je me surprends à adorer, alors que je détestais ça quand j'étais jeune, les petits textes explicatifs. Les cartels. Que maintenant, je m'arrête. Les cartels. Et je lis tout. Et maintenant, je lis tout. Les mains dans le dos. Mais c'est tout un art en plus. Mais oui. C'est tout un art. Mais moi, et puis vraiment, je prends mon temps. Je pense que dans 5 ans, j'achète les casques audio avec les équipages, je pense. Mais vraiment, j'adore ça. J'avais fait le musée Van Gogh à Amsterdam, c'est Van Gogh. Et j'avais adoré, j'avais tout lu. En fait, l'histoire du peintre m'avait presque plus intéressé. Parce que si je connais rien en peinture. Non, mais... La vie du peintre, les lettres avec son frère, tout ça m'avait beaucoup plus fasciné et j'avais adoré. Quoi. En tout cas, s'ils font un Airbnb dans le château ambulant, moi je signe tout de suite. Bah, bien sûr, évidemment. Le château. Évidemment. Ouais. Je me permets une petite rectification. C'était Jean-Claude Bourré. La vérité est. C'était lui. C'était totalement lui. Voilà. Faites des photos. Oui. Mais même est-ce que les tiny houses, les cabanes dans la forêt, c'est des trucs, des fois je vois des trucs Insta et je me dis pourquoi pas. T'as déjà fait toi? J'adore, je fais régulièrement. J'adore ah ça. Ouais. Mais oui, mais toi t'as fait parenthèse. Oui, machin, j'adore. Là. T'y allais? Bah non, non. Bah, ils invitent tous les gens sauf moi, alors que je passe ma vie à poster les photos de cabanes. J'ai demandé. Mais attendez, de quoi vous parlez? C'est quoi parenthèse? Parenthèse, c'est un des tiny houses, pareil, pas très très loin de Paris. Tu peux y aller en transport, c'est quand même mieux si tu loues une caisse. Bref, et donc c'est des très jolis tiny houses où tu fais une petite retraite au vert. C'est tout, comme ces cabanes en soi, c'est pas donné. Enfin, c'est pas que c'est pas donné, c'est que par rapport à une chambre d'hôtel classique, c'est plus cher, mais parce qu'il y a tout un service avec et ils ont construit des. Enfin, bref, ça a un coût d'entretien, quoi. Ouais. Ouais. Mais c'est très agréable. J'avais posé la question, donc demande peut-être. Oui, le mot est réclamé, c'est ça que tu veux dire. En fait, je cherchais un endroit pour écrire quand j'étais dans ma phase d'écriture du spectacle et j'avais vu que mon agente qui gère aussi Cyrus North l'avait envoyé là-bas et j'avais demandé à mon agente. Voilà, vous savez tout. Ok, propre. Très bien. Mais toi qui adore ça, Adrien, est-ce que t'es déjà allé dans des petits cabanes dans les arbres? Jamais. Ah ouais. Et en vrai, je trouve que, on parlait de Airbnb, je trouve que c'est mal fait. Moi, j'aimerais bien pouvoir lui dire n'importe où en France, affiche-moi toutes les cabanes dans la forêt, mais c'est pas possible de faire ça. Oui, c'est pas facile pour chercher, je trouve aussi. Ouais, c'est chiant quoi. Ah, moi, j'aimerais bien dire, vas-y. Une appli, peut-être avec la voix de Patrick, qui pourrait vous dire où sont les cabanes. Parce que du coup, tu dois taper région par région, machin, trouver les cabanes. Ouais, moi, j'ai envie de lui dire, mets-moi toutes les cabanes dans la forêt, et après, je vais. Régale-moi de cabane. Ouais, voilà. Régale-moi de cabane. Franchement, si vous êtes des auditeurs, envoyez tous vos bons plans cabane à Adrien en DM. Quelqu'un m'avait envoyé, mais il m'avait dit, je suis propriétaire d'une cabane. Bon, c'était magnifique, mais il m'a dit, si tu veux, hein, je te la loue. Je fais, oui, bon, si c'est pour me louer le truc, je peux me débrouiller tout seul. Quoi. Enfin, tu vois. Je lis l'avenir. Je crois qu'Adrien va recevoir Obama 200 propositions de cabane dans les semaines qui viennent. Non, si on dit. Et peut-être ne le pas. Non, pas Bourdin, comment il s'appelle? Bourré va t'envoyer une cabane. Là, je suis triste parce que je suis plein de comptes de cabanes et comme cabine porn et tout qui faisait ça depuis longtemps. Et maintenant, avec les IA, on a tout le temps des fausses images. Ça me frustre de ouf. Parce que c'est pas des puristes. Je vois un trop beau truc et je fais merde, putain, c'est joli, pourquoi pas, mais je suis frustrée de me dire en fait ça existe pas. Ouais, mais bon, c'est comme des maisons très très grandes avec des cheminées et Tom et Jerry. J'ai tout le temps ça qui arrive dans mon Instagram. J'ai des avec salons avec de la pluie derrière et une grande télé. Alors là, pour le coup, n'hésitez pas à me dire si vous avez reçu ça. Oui. Une grande télé sur le compte du podcast, vois. Pas le mien. Mais la télé avec Tom et Jerry et tu vois de la pluie dehors et la maison est magnifique. Et je te jure, j'ai pas TikTok, mais sur Insta, on me propose cette vidéo tous les deux jours à peu près. Ça me rend fou. Tiens, je l'ai jamais vu passer moi. Non, jamais. C'est bon. C'est ça, putain. C'est fait. Moi, Cabine Porn, je les avais une follow. Il y a eu un truc un peu. Oui. Moi aussi, mais parce qu'il n'y avait pas de porn en fait. Ah oui. Récemment, je suis tombée sur une avec des vraies photos que je trouve trop bien. Ça s'appelle Mid Mode Mood. MIDMOD.mood. Ok. C'est que des intérieurs. C'est Mid Mode, c'est pour Mid Century Modernism. Ok. Et donc, c'est. Des beaux lofts années 70 comme c'est la mode et c'est des vraies photos et c'est très satisfaisant. En fait, mid c'est pour mid-journée hélas, donc non, c'est des vrais. Enfin, j'espère que je dis pas une bêtise, mais je suis quasi sûr. Moi j'ai une passion pour les intérieurs de, vous savez, les cabines d'observation d'incendie là. D'incendie. Ah oui, non. Comme tu dans sais, Firewatch. Ouais, dans Firewatch. Ah, tu sais, aux États-Unis, ça existe en France, mais dans une moindre mesure. Tu sais, c'est les cabanes qui sont perchées dans la forêt et tu séjournes genre des mois dedans et pour surveiller qu'il n'y a pas des incendies. Okay. Et s'il y en a, t'as un toki et tu dis, il y a un incendie là-bas. Chez nous, c'est juste des palombières, quoi. Ouais, c'est ça. Mais il y en a, mais c'est vraiment un truc culturel. Non, mais j'aimerais te l'offrir. L'intérieur de ces trucs, j'adore parce que c'est très fonctionnel, c'est très petit et tout. C'est génial. Bien sûr, mais je sais tellement ce qui te régale. J'aimerais te l'offrir. Mais parce que je sais qu'il faudrait qu'il y ait une connexion très haut débit dans cette cabane perchée. Ah, bah bien sûr. Je serais à la fois loin des hommes et connecté. Il me connaît là. Là, il est en train de me border là. Là, je suis dans un lit, il est en train de me border. Et, là, il me fait un bisou sur le front. Je t'apporte un petit chocolat. Bah oui. Emmène-moi. On peut y aller tous les deux. Ça continue d'être mignon. Ça pourrait t'intéresser, toi, Patrick, une petite cabane coupée de tout. Et mort. Tout. Ouais, mort. Bah ouais, c'est le rêve, forcément. Mais oui, j'avais fait quelques Airbnb comme ça de cabane dans les arbres et ça fonctionne, c'est magique forcément. Ouais, c'est très agréable. Oui. Sinon, il y a Sealand, Patrick. Sealand, absolument, principauté de Sealand, au large de l'Angleterre, dans la Manche, qui est une micronation et qui est en fait une ancienne plateforme pétrolière. Et qui est devenu. Et tu pouvais être lord, c'est ça. J'avais vu ce truc durant voilà, Daniel. Tu peux avoir ton passeport de citoyen de Sealand. Ouais. Ouais. Sachant que, parce qu'on en a pareil, on a beaucoup parlé du Pirate Paradise dans cette émission, on l'a découvert avec Patrick. C'est avec Patrick qu'on était allé au Pirate Paradise. Ça, je savais que ça vous régalerait, quoi, c'était sûr. Bah, oui. Un folkloriste comme ça, dans sa besace, il a le Pirate Paradise. D'ailleurs, je sais plus si je l'avais dit ou pas la dernière fois qu'on avait parlé du Pirate Paradise, mais sur le compte du Pirate Paradise Montpellier, il y a une story épinglée star avec toutes les stars qu'ils ont reçues et tout. Donc il y a Frédéric Tiefenthal et donc à chaque fois les stars sont taguées et tout, sauf non. Mais non. Vraiment, ils ont dit bon, ils ont l'air connus, mais vraiment, c'est pas. Ah, mais vous y êtes quand même. On est dans la story. Ils vous ont pas tagué. On n'est pas tagué. C'est-à-dire qu'ils ont dit bon, ils ont l'air un peu connus, mais vraiment, on sait pas qui c'est. On va les mettre quand même. Et vraiment, je vous invite à y aller et voir ma gueule. Il a rente parce qu'on sent que je suis pas prêt, donc je fais. Adrien est tout sourire avec son boulet de canon dans la main et moi à côté je suis pris. Et Marco Mouli bien sûr. Et bien sûr Marco Mouli qui voilà. Alors je voulais vous raconter l'histoire de Patrick. Alors pas Patrick Beau le folkloriste, mais Patrick, c'est lui qui raconte l'histoire, qui vit en Haute-Loire et qui est fan d'un film. Et pour ses 50 ans, ses amis lui ont offert un objet culte issu du tournage. Je vous demande quel film et quel objet. 50 ans. 50 piges. Film Patrick, américain. Film français. Alors attends, 50 ans, ça nous renvoie non, à quoi? Une comédie? Une comédie, très bonne question, Manon. Attends, Bell. Ça nous renvoie à quelle année? C'est quoi, 60 années 70 un peu? Ça ne t'aidera pas, mais en tout cas, sur le film. Ah bon? C'est l'année ou? Bah non, mais enfin, il fête ses 50 ans. Mais je veux dire, c'est pas un film de son enfance. Ouais. C'est un film assez récent. Non, attends. Ah, c'est les 50 ans du mec ou du Mission film? Mission Cléopâtre. Ah, je crois que c'était les 50 ans du film. Film des commencé. Ah, ça a commencé. Mais j'ai commencé. Film des années 2000. Film des années 2000. Mission très Cléopâtre. Bonne réponse. Pas Mission Cléopâtre. Ah, moi j'allais dire la Cité de la Peur, mais. Oui, non. Plus récent. Ah, plus récent. Et plus récent que Mission Cléopâtre également. Année 2000. Année 2000. Alors. Film français. Comédie. Comédie. Qu'est-ce qu'on a fait? Tu l'as dit déjà, pardon. Pas qu'est-ce qu'on a fait, mon Dieu. Un peu moins récent. Un peu moins récent. J'ai juste dit qu'est-ce qu'on Amélie a fait Poulain. Pour dire qu'est-ce qu'on a fait comme film, mais. Les fans disent ça. Ouais, on appelle les qu'est-ce qu'on fait, mais. Les tuches. Pas les tuches. Purée. On est sur un truc aussi culte, hein, attention. Bien pêché les ch'tis. Camping. Alors, le slip. Pas le slip. Ah, on n'attend pas Patrick, du coup, c'est pour ça. Bah, c'est oh. Patrick, bah, oui. Bien sûr. Mais alors, qu'est-ce qu'on lui a offert? Pas le slip. Bah, le t-shirt, là. Pas le maillot Doggy Dog du boss. Qu'est-ce qu'il y a comme objet culte? Son collier. Pas son collier, c'est un très gros cadeau. Une tente. La tente, non, ouais. La caravane. La caravane. Du Bosque. Ils lui ont offert du Bosque. Gros cadeau. Une nuit avec du Bosque dans un Airbnb qui te montre ses médailles olympiques. Ça. Tout simplement, je vais vous le dire. Une statue de Patrick Chirac? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Le panneau du camping? Pas le panneau du camping, non. Moi, j'ai pas vu le film, donc est-ce que... Ouais. C'est un truc dans le film? Batman a sa Batmobile. La voiture de Patrick Chirac. Il lui a offert la Renault 21 de Patrick Chirac. Oh là, celle du film. Celle du film, avec écrit Patrick Chirac dessus. Donc des potes qui ont de l'oseille. Bah, oui, quand même. Je sais pas combien ça paye. En fait, ça dépend, je sais pas. Est-ce qu'elle roule encore? Ouais, voilà, il y a plein de choses. Son 50e anniversaire, Patrick s'en souviendra. Cet habitant de Lapte en Haute-Loire, à mi-chemin entre Saint-Etienne et le Puy-en-Velay, a reçu de la part de ses amis la relique de la fameuse Renault 21 de Patrick Chirac dans le film Camping. Il faut dire que depuis la sortie du film 2006, Patrick le vrai ne s'en lasse pas. Il arrête pas de dire, bah alors, on n'attend pas Patrick. Ah, donc, fan. Ah, mais c'est un fan. En vrai, c'est hyper cute. Mais c'est trop mignon. Au point donc de se voir offrir la réplique de la voiture avec le souci du détail, puisque l'écrevisse gonflable est également sur le toit. Et l'annonce je suis célibataire ne manque pas. Enfin, c'est vraiment la bagnole du film, quoi, tu vois. Reste que ce n'est pas le seul cadeau d'anniversaire qu'il a reçu ce jour-là, puisque sa femme l'a demandé en mariage. Oh. Ça arrive en second. À 50 ans. Ah, bah, il y a des priorités. Mais oui, non, forcément. Ouais, dit, ouais, moi, pour moi. Tu te souviens cet anniversaire où on a reçu une voiture. Et pour finir en beauté, les amoureux vont prendre quelques jours où ça ? Au camping des Flots Bleus. Oh. Au camping des Flots Bleus. Voilà, un vrai fan hardcore. Ouais. Et ça, mignon. Ça fait plaisir. Moi, j'ai une petite anecdote à propos de ce camping. Bien sûr. Je crois que je l'avais déjà raconté. Je sais que tu es déjà allé, en tout cas. Non, mais en gros, un jour, je faisais un road trip dans le sud de la France qui avait débuté justement dans la, sur la côte landaise. Et je roule et vraiment complètement par hasard, je passe à côté de, bah, du camping de camping, mais comment, j'ai toujours pas vu le film, hein, pour info. Et donc je vois le camping et je vois qu'il y a un. Vraiment devant le camping, il y a une silhouette en carton de Franck Dubosc avec un trou au niveau de la tête pour se faire prendre en photo, mettre sa tête dedans. Bien sûr. Donc je fais, bon bah là, obligé, frein à main. Obligé. T'es ta queue. Là, demi-tour, je suis allé me garer et tout. Et du coup, j'arrive devant le truc et je me dis, ah, mais attends, putain, si je tends le bras pour prendre un selfie, c'est nul, on voit pas le slip de Patrick. Bah, ouais. Et donc, je suis un peu en train de tourner autour est-ce du truc. Est-ce que tu demandes à quelqu'un ? Je suis en train de tourner autour du truc et tout. Je me dis, attends, peut-être je peux mettre le retardateur et tout. Et il y avait un autre gars, un mec qui avait genre la soixantaine, tu vois, un daron, qui était tout seul. On était les seuls devant ce truc. Et je voyais que lui, il tournait un peu, tu vois, autour du truc et tout. C'est une belle histoire, je sens. Et le mec il vient me voir, il me fait excusez-moi, vous pouvez me prendre en photo et tout. Et je lui ai dit ouais d'accord, mais du coup vous me prenez en photo après. Et du coup, la photo est sur mon Insta, vous pouvez voir. Et du coup donc je l'ai pris en photo et après je lui ai donné mon téléphone, il m'a pris en photo, on s'est dit au revoir, j'ai pris ma caisse, je suis reparti. Non mais c'est le podcast le plus adorable de l'histoire. Oui, franchement, vous nous amenez des bonnes vibes. Non mais ça fait plaisir. J'adore. Avec JB et Mehdi la semaine dernière, c'était pas la même. Ouais, on souffle chaud et le froid, le flute cute. C'est ça. C'était quoi, vous, votre meilleur anniversaire slash cadeau d'anniversaire? Déjà, est-ce que quand vous étiez enfant, vous fêtiez vos anniversaires avec les copains ou plutôt famille? Ah ouais, Patrick? Ouais. Plus ça va, moins j'ai envie de le faire. Ah ouais? En fait, oui. Rapport à « t'aimes pas vieillir » Rapport à l'âge, finalement. Oui, voilà, donc je préfère pas trop insister là-dessus. Ouais, ben mais quand j'étais gosse, oui, j'adorais ça, ouais. J'adorais les anniversaires. Et tu faisais avec tes copains? Avec les copains. Ouais. Et puis, quand t'es enfant et que tu reçois des cadeaux d'anniversaire, c'est quand même pas la même chose qu'après, parce qu'après tu peux te les acheter. Ouais. Et quand t'es petit, à part Noël, t'as d'autres moyens d'accéder aux jouets qui te font rêver, quoi. Accéder aux jouets. Tes anniversaires, c'est toujours un bonheur. Bien un sûr. Vrai bonheur. Ouais, moi aussi j'aimais bien le fêter. Ouais. Maintenant, ce que je fais, c'est que je fais toujours. C'est une journée où je dis je travaille pas, même si c'est en semaine ou quoi, et je fais tout ce que je veux toute la journée. Ah, et le soir, souvent, je fais un appareil avec des copains. Tu fais des fêtes, toi, souvent. Je me souviens bien. De plusieurs invitations quand même à tes anniversaires. Carrément. Non, t'aimes bien fêter ça. Je me souviens de plusieurs invitations. Bah oui, parce qu'à chaque fois, parce que je suis une merde. Oui, c'est vraiment le mec qui est jamais venu. Bah, je suis venu une fois, Bah, moi, je suis venu une fois, tiens. Bah, voilà, ouais, on est quitte. Mais j'aime bien, je fais genre, c'est ma journée et tout. Et comme ça, j'aime bien. Je fais souvent un massage, un truc comme ça et tout. Voilà. J'aime bien le célébrer. Tu fais faire un massage, j'imagine. Oui, parce que moi-même, je masse quelqu'un. Moi, ça c'est mon anniversaire plus si tu vois ce que je veux dire. C'est pas tous les ans. Moi mon parce que la question c'était son meilleur anniversaire. Ouais, meilleur souvenir. Bah moi c'était alors ça devait être il y a une dizaine d'années, j'étais encore dessinateur à l'époque. Et mon ex était aussi dessinatrice et on avait plein d'amis qui étaient dessinateurs, dessinatrices de BD. Et en gros, déjà, premier truc, elle m'avait fait le seul anniversaire surprise de ma vie. Donc on était arrivé dans un bar où on allait souvent avec ces amis-là et tout. Et là, on était censé y aller tous les deux. En fait, il y avait plein de monde. Ah, surprise. Et en gros, elle avait... En fait, j'avais eu comme un petit fanzine où tous mes potes dessinateurs de BD avaient fait une planche. Il y avait Boulet, Capucine, il est bon. qui m'avaient tous fait. Il y avait une BD, donc ça, un petit que j'ai toujours, hein, d'ailleurs. Super, génial. Donc, c'était un super cadeau parce qu'il y avait un peu de la logistique de trucs. Elle avait demandé, elle avait imprimé le truc et tout. Non, c'était trop chouette. Très stylé, c'est très beau cadeau. Super cadeau. Ouais. Très beau cadeau, très beau cadeau. Un cadeau comme ça qui vous a marqué, vous? Bah non, peut-être. Moi, je me rappelle du jour où on m'a offert la Nintendo 64. Ah vous voyez là cette fameuse vidéo du gosse qui la reçoit à Noël, bien sûr, hurle de joie. Ouais. Ben, moi, c'était pour mon anniversaire. Ouais. Et je me rappelle avoir passé la journée en pyjama, ma journée d'anniversaire en pyjama, à jouer à Mario 64. Oh, c'était une des meilleures journées de ma vie, je pense. Ouais. Je peux comprendre. Moi, j'aime bien organiser des surprises et j'adore qu'on m'en fasse en retour, bien sûr. Mais il y a pas très longtemps, il y a un petit message. Non, parce que j'aime bien aussi. Non, mais régulièrement, on se le fait avec Charlie Danger et Salomé Saké, justement. Et donc, Charlie, par exemple, une fois, elle m'a dit rendez-vous telle heure à la gare de Lyon. Ouais. Et avec un sac à dos pour le week-end, et je savais pas où on allait. Wow. Et on est allé à Europa Park. Ah, trop bien, donc gare de l'Est. On a dormi à Strasbourg, mais tu vois, genre, on descendait à Strasbourg, je savais pas jusqu'où on allait, toute la soirée, je savais pas. Et en retour, d'ailleurs, la nuit au truc Rosa Bonheur, c'était moi qui ai organisé aux filles la surprise. En retour, on a visité le musée et elle savait pas qu'on restait dormir. Charlie, c'est très belle très amitié. Drôle. Alors que moi, je donne pas les bons horaires du flot. C'est top. Non, non, mais franchement, je trouve qu'il y a un truc super là avec ce concept de date d'amis. Oui, c'est l'idée, c'est de faire des dates entre amis. Et je trouve que c'est un truc qu'on ne fait pas beaucoup entre garçons. Ouais. Moi, j'adorerais qu'un pote me fasse la surprise, hop, on va dans un parc d'attractions, machin. C'est très cool. Prenez l'idée. On va à Europa Park quand tu veux. en plus, maintenant, Europa Park, parce qu'avant, c'était moi, j'y suis allé une fois, j'ai adoré d'ailleurs. Et c'est une galère, c'est-à-dire que tu vas à Strasbourg, après tu dois prendre un train, puis un autre train. Maintenant, il y a une gare Europa Park qui est direct maintenant. Incroyable. Génial. La surprise aurait duré moins longtemps. Par contre, je t'ai entendu dire que tu trouvais le thème du parc charmé. Pardon. Ouais, je suis d'accord avec l'Europe. Toi. Genre, j'ai pas dit que le thème le était charmé. Non, mais t'as dit que t'aimais bien la déco, que t'aimais bien. Non, j'aime bien l'ambiance. Le petit pont de cool. Venise en carton pâte. Mais c'est ça que j'aime bien. Les attractions sont charmées, mais le thème est claqué au sol. Non, moi je trouve que. Mais oui, mais moi c'est pas les attractions. Ça m'étonne venant de toi parce que l'Europe c'est extraordinaire. On en riait, voilà. On en riait avec Charlie en faisant toute la journée. En fait, on était sûr que c'était un truc de soft power européen, genre financé par l'Union européenne ou un truc comme ça. Donc on passait la journée à faire. Tu te sens plus européenne, Charlie, maintenant ? Oui, je suis très européenne. Grâce à Europa Park, qui, pour une raison inconnue, s'appelle Europa Park et pas Europark. Mais bref. Oui, c'est vrai. Et en fait, on a fini par regarder l'histoire du truc. Et en fait, c'est une entreprise privée. Qui, en fait, c'est une famille qui fabrique des montagnes russes. Donc, c'est leur vitrine. Ouais. Donc, c'est pour ça que les montagnes russes sont charmées. C'est ce qui fait le succès du parc. Mais ça veut dire que c'est des gens, on leur a mes consciences, et pas avec un flingue sur la tempe, qui ont choisi le thème de l'Europe. Alors. C'est eux, ils se sont dit, cool, l'Europe. Okay, alors, franchement, attends. Moi ça me choque pas. Moi ça me choque pas. Et surtout, d'accord, quel parc a un meilleur thème ? Qu'est-ce qu'il y a comme. C'est beaucoup genre plus Disney, rigolo, ah oui, Astérix. Astérix. C'est beaucoup Astérix, plus rigolo. Astérix, quand même. C'est top. Mais en donc, fait, ouais, jeux, je veux dire, un truc. Chaque attraction, c'est un jeu de mots, Adrien. Non, et mais leur mascotte, c'est une souris, mais rien à voir avec Mickey Mouse. C'est la mascotte d'Europa Park, c'est hilarant. Mais attends, parce que Patrick, non seulement il y a le parc, mais tout autour, il y a tous les hôtels où tu peux rester qui sont thématiques. Oh là là. Donc il y a l'hôtel italien, mon pauvre, où il y a un Colisée. Mais quel régal. Machin. Et le resto, un buffet. Il paraît que c'est bon. Mais moi, rien que le restaurant, la Belle et le Clochard à Disneyland, je suis comme un fou de regarder la devanture. Et l'intérieur, les textures. Que tu voulais faire la scène de la Belle. Peux, hein, parce qu'il y a les petites nappes à carreaux là. Bien sûr. Europa Park là, invitez-nous avec Patrick. Allez, voilà. N'hésitez pas. Non, voilà, on va vous régaler. Et donc on en avait conclu que vu que c'était un truc privé, s'il n'y avait pas la Belgique, c'est que le gars devait avoir une ex belge. Oui, c'est ça. Pensez à la Belgique. Ou la Belgique n'a juste pas donné thune, peut-être. Oui, c'est le centre de l'Europe, la Belgique. C'est pas là où. Mais ils sont juste à côté quand même, c'est fou. C'est comme pour la légende du prix Nobel de mathématiques qui n'existe pas parce que soi-disant Nobel a eu un grief. Avec un mathématicien qui aurait couché avec sa femme, mais c'est faux, c'est une légende. Il a debunk. En parlant de debunk, on m'a envoyé la dernière fois, j'ai dit que le truc au supermarché. Il râle déjà, attention. Non le truc au supermarché où tu peux faire un don, machin, et j'avais dit c'est aussi, pour les impôts, a priori c'est faux. Ouais. C'est vrai, je pense. Je pense que c'est vrai. Mais voilà, les sites Check News, machin, disent non, c'est faux. À mon nez. D'où les grosses entreprises font des dons comme ça. Bon, allez. Tu peux donner. Oui, ça te défiscalise une partie. Ça n'empêche pas que toi, individu, ça peut être sympa de donner. Ouais. Non, mais bien sûr. Mais moi, je disais, ils font ça uniquement parce que c'est genre de l'optimisation fiscale, machin. Et on m'a envoyé un article qui dit non, c'est faux. Mais je pense que c'est vrai. Alors les, les supermarchés sont super. Source, voilà. Le tarin de Méniel. On me donne une bonne raison pourquoi d'un coup toutes les grandes enseignes ont dit oh, vous pouvez faire des dons si vous voulez parce qu'on est sympa. Oui oui bien sûr. Je suis désolé, le tarin de Méniel sera le titre. Hein. Allez, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Chers amis, ça fait bientôt 1h18 oh là là, qu'on part. Mais oui mais bien sûr. J'ai une dernière question pour vous effectivement. Tu m'étonnes. Bah, attends. À Perpignan, un bar concept va ouvrir dans peu de temps. Et je vous demande quel est le concept en question. Petit indice, ça va rendre fou de rage Adrien. Oh. Donc c'est sur un bar où on peut faire des dons. Non. Oh, bah, est-ce que c'est sur une série ou un film, un univers de fiction? Non. On est sur de la divination, on est sur quelque chose d'ésotérique. Ah, oui. Astrologie. Non. Okay. Non. Ah, astrologie. Ouais, non, non, non. Non, ok. Non, non, non. Ah, attends, est-ce que. Ah, ça. Ce n'est pas un bar dont le principe est le racisme. Non, bien sûr. Mon obsession. Ça t'aurait rendu foudrage. Non, est-ce qu'on est sur le même genre de merde que. Alors, on fait un bar à nouilles, genre le truc de merde comme ça. Non, non, non. Il a sorti son masque du dédain. Je tiens à préciser, vous ne le voyez pas, mais vraiment, il a tendu ses mains d'une manière genre boum, sur ça. Non, c'est un bar. C'est vraiment. Il y a un concept. Le concept n'est pas un concept de boisson ou de nourriture. C'est le concept par rapport à. La chambre est vide. Alors non. C'est un truc comme ça. C'est ou un alors, peu le genre de délire. Ça touche directement. C'est un bar. C'est un bar. Ah, c'est un bar, pardon. Bah, c'est un bar. Tu peux partir sans payer. Non, mais on s'approche. On est dans un genre de truc. Tu donnes pas ce que tu veux, mais on a un truc autour du prix qui varie. C'est fluctuant avec la bourse là. Ça, ça y en a un à Toulouse. Très bonne réponse de Manon Avec Gilles. La bourse. Très bonne. Comment? Ça existe déjà, pardon. Ça existe à, Toulouse, à plusieurs endroits, même à Paris. Alors, c'est pas vraiment relié à la vraie bourse. Oui, c'est. C'est complètement. Je vais vous expliquer un peu le concept. C'est un trading bar. Ouais, voilà. Oh, Adrien, une note sur le terme trading bar. J'ai fait une fois, il y avait des cols blancs quoi là-dedans. Oui, bien sûr. Voilà. C'était pour voir comment c'était. Bah, terrible. C'était exactement ce que vous imaginez. T'imagines la tristesse de ta vie, t'es trader et tu te dis hey, on va dans le trading bar. Pauvre con. Amuse-toi dans ta vie, enfoiré. Les gens pourront venir jouer à la bourse comme à Wall Street. Explique Gwen Marguet, la directrice. Ici, les prix ne sont pas fixes et se réinitialisent toutes les 100 secondes. L'enjeu pour les. Trader buveur. Ah, c'est de payer au moment où c'est le plus avantageux. Oui. C'est d'investir donc commander. Attention parce que c'est un jeu. Donc en même temps. C'est d'investir donc commander au bon moment pour avoir les meilleurs tarifs à la manière d'une véritable salle des marchés. Plusieurs écrans afficheront la cour les cours des différentes boissons. Les prix sont fixés par un ordinateur qui va analyser l'offre et la demande. Les clients eux pourront commander via une application gratuite. Concrètement, si une bière est plus commandée que les autres, le prix risque de grimper. À l'inverse, un alcool ou une autre marque un peu délaissée va voir son tarif diminuer avec son fonctionnement. Une pinte peut parfois revenir au prix d'un demi. Venez jouer à faire votre jeudi noir. Il y a des crashs boursiers. Malheureusement, le meilleur c'est quand j'aime un peu. c'est un peu balatro quoi. le meilleur c'est quand tous les termes sont thématisés, genre trader buveur. Bah trader buveur. C'est vraiment fabuleux quand même. C'est trader buveur. Vous vous sentez pas un peu trader buveur vous-même? Non, là je suis juste trader, je vais rentrer. Ça me rappelle le trader et caméraman. Ah bien sûr. Évidemment. Trader buveur. Comme dans la vraie vie, des crashs aussi se produisent. Oh, alors, ça s'appelle le Wall Street. Ça te réénerve un petit peu. Wall Street, un peu trop énervé là. EAT. Hein, magnifique. Ah, ou non, nul. Il y avait mieux à faire. Il y avait Wall Street, mais ouais, mais c'est pas assez. C'est un truc simple, tu vois. Ouais. Le bar s'illuminera en rouge, une alarme retentira. Ça peut arriver n'importe quand et même plusieurs fois dans la soirée. Tu m'étonnes. Oui. C'est le moment de faire des bonnes affaires puisque tous les prix vont chuter. Il faut savoir que c'est la power. Et que ce n'est pas un bar indé, mais vraiment une licence, comme tu le disais. Oui. Il y en a une à Paris, à Toulouse. Bah, en vrai, c'est juste une soirée où tu fixes les taux là. C'est un peu désagréable. Pour boire au t'es bon en moment. Mode, c'est maintenant. C'était un peu chiant. Oui. Puis ils doivent miser sur le fait qu'au bout d'un moment, les gens sont bourrés, et ils font plus gaffe et ils payent au pire moment. Et voilà, oh là là, les bières sont très demandées. Le taux augmente là. C'est bon, vas-y, appuie sur l'ordinateur. Alors, je ne sais pas vous demander si vous étiez des traders buveurs, mais non, est-ce que vous aimiez des casseurs flotteurs, donc des casseurs flotteurs. Est-ce que vous aimiez sortir dans les bars? Toi, t'étais à Toulouse, Mm-hmm. Voilà, est-ce que t'étais une sorteuse? Très bar, toujours plus que boîte de nuit. Je suis pas teuf de la night là, mais parce que tu aimes parler, c'est beaucoup. Ça, tu aimes. Oui, j'aime bien faire l'apéro avec les copains. Je fais très régulièrement encore, n'ayant pas d'enfants. Voilà, tout simplement. Patrick. Ben moi j'aime pas boire. Ouais. J'aime pas trop l'alcool, donc c'est vrai que du coup ça limite un peu l'intérêt. Mais maintenant il y a de plus en plus d'offres de sans alcool. C'est vrai. C'est mais pendant longtemps, c'est vrai qu'il y avait une petite stigmatisation des gens qui ne buvaient pas dans les bars. Donc tu te sens toujours un peu con de dire bah non, moi je vais prendre une grenade ou un truc. Ouais. Mais il y a une période dans ma vie quand j'étais célibataire où j'ai beaucoup fréquenté les bars, un bar notamment le Pub Z à Avignon, je vous le cache pas. Oh là là. Et ce que j'avais remarqué, c'est que en fait tes social skills s'améliore de jour en jour, en fait. Avec l'alcool. Non, pas avec l'alcool, non, le fait simplement de voir des gens tout le temps. Muscle, ah, oui. Et c'est exactement un muscle. Et quand j'ai arrêté, enfin, globalement, quand j'ai rencontré ma compagne, en fait. Bien sûr. Et au Pub Z, d'ailleurs. Ouais. Et ben là, j'ai senti que le muscle vraiment se diminuait de jour en jour. S'atrophiait, quoi, tout simplement. Et donc, je vois, quand tu retournes dans un lieu public, ah, il faut remonter un peu cette pente-là. Donc, au Pub Z, t'as appelé ça. Pub Z, ouais. Dommage à Zemmour, je le rappelle. Ah, tu voulais peut-être pas qu'on le dise. Bon, il bah, était ouais. bien placé. Oui. Bon, Adrien. Oh, oui. Non, mais est-ce qu'il y a une époque... Je te laisse imaginer l'état de mon muscle. On est sûr. Des gros pecs. Des gros pecs de sociabilité. Non, mais au lycée. En fait, moi, le problème que j'ai. Non, que jamais, tu... j'ai jamais traîné. Jamais. Jamais, jamais. Parce que tu dis plus que les boîtes de nuit, j'imagine, oui, pour dire en mode la boîte de nuit, c'est trop bruyant et tout. Moi, je les... vais pas danser. Oui, mais je trouve que les boîtes de nuit, au moins. Le contrat, il est clair, c'est tu pourras oui. pas parler. Les bars, ce que je trouve compliqué, c'est souvent, que la musique souvent est très forte. Et... Plus ça va, moins j'aime ces endroits-là. Tu bah vois oui, mais il oui. y a un milliard d'offres de bars. Donc, c'est vrai, c'est vrai. Mais en fait, moi, je passe la journée chez moi à taffer beaucoup à la ouais, maison. Je comprends. Du coup, le soir, en général, je vois du monde. Et qu'est-ce qu'on ouais. fait bah, on va boire un petit coup bah, ce bien soir. Sûr. Je bois un petit coup avec Kalindi, figurez-vous. Bah, tiens, voilà. Rampfeul. Rampfeul, bien sûr. J'ai entendu Kamini. Avec Kalindi. J'ai téléchargé TikTok 3 jours. Oui. Kamini fait des lives quasi H24. Ah ouais, je vous le dis. Il est revenu plusieurs fois dans mon feed en live à 11h du matin, à 3h du mat, vraiment à des horaires complètement dingues. Kamini et Tom Jones. Et il rappait à chaque fois. Ah c'est oui, pas juste, il faisait une petite musique, okay. il faisait des sons. Non, c'était très j'en ai vu, hein, tu l'as vu confirme. Passer, ouais, mais bien sûr. Je l'ai vu rapper. Ça m'a surpris. Ça m'a surpris à des horaires totalement différents de, voilà, non, du, jour, bah, du jour et de la nuit. Il est assez suivi d'ailleurs. Ah, il est très. Ami Carton, c'est une star de TikTok. Ah ouais. Chers amis, on arrive à la deuxième, dernière partie de l'émission. J'ai une recommandation culturelle, une série. Ah, c'est l'éveillé, oui, bon, allez, Patrick. une série américaine qui s'appelle From. Ok. Est-ce que vous avez entendu parler non. de cette série ? Non. Et c'est bien normal parce qu'elle est vraiment passée sous silence, cette série, alors qu'elle est extraordinaire. Okay. Donc, il y a déjà 3 saisons. En fait, la 3e saison vient de sortir. C'est sur Paramount Plus, je vois. En France, elle est ouais. dispo avec Paramount Plus. Ouais. Ouais. Et donc, cette série, c'est une fusion parfaite entre l'œuvre de Stephen King et Lost. Donc si vous aimez oh. ces deux univers-là, c'est vraiment le mix parfait. Et d'ailleurs, il y a un des comédiens de Lost qui joue dedans. Okay. Et j'en dirai pas plus, mais honnêtement... Quand j'ai vu le premier épisode, j'ai été accroché comme rarement. Un véritable poisson, un hameçon. Absolument. Et ça faisait très très longtemps que j'avais pas autant attendu la suite d'une série. Okay. Parce que là, la 3e saison, elle est sortie après 1 an d'attente. Mm. Et honnêtement, après le cliffhanger de la 2e saison, j'étais sur les nerfs. Ouais. Calme-toi. comme ça m'était rarement arrivé. Mais en fait. Écoutez, il vient de me gifler. Je sais pas quoi vous dire. Donc voilà. Voyez From en sachant que ben vous pourrez voir directement les 3 saisons sans attendre 1 an entre chaque. Génial. D'autant que tu veux pas trop en dire et je ne vais pas trop en dire, mais le pitch de base est déjà très fort. C'est rare les séries qui ont un méga concept arrivent à surprendre toujours. Exceptionnel. Et c'est fini ou alors Non, c'est en cours. Ah. Et je précise aussi, attention, parce que trigger warning, c'est quand même une série d'horreur. Oui. Faut bien le dire, il y a des moments assez gore. Est-ce que ça fout les miquettes ? C'est la question que je te pose. Oui, d'accord. Clairement, oui. Donc si c'est pas votre truc, n'allez pas vers From. Ouais, les chocottes. Mais si vous aimez l'univers de Stephen King et de Lost, je pense que c'est l'œuvre parfaite pour vous. Vraiment, allez-y. Écoutez, c'est vendu de mon côté. C'est vendu. Je me le suis noté. Manon Bril QA. Est-ce que je peux me permettre deux ? Mais je t'en supplie, je t'en conjure. Alors, la première, je suis désolée, j'en ai déjà beaucoup parlé sur d'autres podcasts et en story abondamment. Je Ils pense sont que moins vous m'avez écouté que nous, t'as déjà. Exactement, exactement. Enfin, je ne sais pas parce que j'ai pas vos chiffres, mais je compte sur la force de frappe du podcast parce que j'ai une intention, c'est qu'il y ait une saison 2 qui n'existe toujours pas et qui n'est pas prévue. Oui, Patrick, c'est de quoi j'ai parlé parce que j'en ai parlé 1000 fois déjà, mais désolée. Ça s'appelle Siren. C'est une émission de télé-réalité coréenne, d'accord ? Ah, ben oui. J'en ai parlé 1000 fois. Mais s'il vous plaît, gens du Floodcast, vous êtes très nombreux et nombreuses, allez streamer ça lourd pour que Netflix fasse « Tiens, il y a plein de vues qui proviennent de la France, peut-être qu'on pourrait faire une saison française ou un truc comme ça. » Le principe est le suivant. Attention, je tease dans ma présentation parce que je l'ai pitché plein de fois. Donc voilà. Bref, c'est sur une île déserte, donc émission coréenne. Il y a des équipes avec des bases, d'accord ? Une petite cabane, une petite tente, un petit machin réparti sur l'île. Chaque équipe a un drapeau. Et quand la sirène retentit, pas celle-là, mais quelque chose comme ça, il faut aller chercher, enfin, t'essayes de capturer un drapeau de l'équipe adverse. Oui, si on capture the flag classique. Ouais, voilà, un jeu scout d'ailleurs aussi. Voilà. Si tu chopes le drapeau, l'équipe est éliminée, tout ça bien est basique. Les équipes, c'est pompiers, militaires, c'est les corps de métier, cascadeurs, athlète. Et podcasteur, malheureusement. Et, et j'en ai oublié encore, bref. Il n'y a pas les sportives aussi, non ? Mais, non. Bah, athlète. Ah, mais ce ne sont que des femmes. Ce D'accord. sont que des équipes de femmes, ce qui fait toute la diff entre probablement une série terriblement masculine et une série que j'adore, visiblement. Mais genre, vraiment, c'est incroyable. Genre, c'est vraiment... Alors, ce que je trouve ouf, c'est qu'il n'y a rien à gagner. Elles viennent juste pour défendre leur métier et bien montrer sûr. Que les c'est pompières de Corée ouais. font la fierté de la Corée et tout, c'est vraiment sûr. Incroyable. Et c'est des malades. Okay. Mais genre vraiment, c'est des malades, genre, bah, c'est des meufs ultra entraînées et tout, super sportives. Il y a des cascadeuses, je sais plus si j'ai dit. Ouais, très impressionnante, bref. Et du coup, elles font, genre, il y en a qui se font sanctionner parce qu'elles sont trop violentes ou des trucs comme ça. Okay. Enfin, c'est incroyable. Les trucs de... Évidemment, il y a beaucoup de stratégies parce qu'il faut faire des alliances avec d'autres équipes pour attaquer en groupe. T'as beaucoup plus de chances de réussir. Donc, vous savez, les parloirs, là, les interviews de trucs, il y a zéro truc de, tu sais, de Koh-Lanta, genre « Oui, mais là, elle m'a dit ça et nous, nanani. » C'est juste « Nous avions une alliance avec les cascadeuses, mais les pompières nous ont proposé quelque chose d'autre et c'était très alléchant. Donc, on savait pas si on pouvait rompre ce pacte. » C'est vraiment... Ouais, mais c'est purement stratégique. Ouais. Zéro... Pas zéro, d'émotion. Ben, zéro sexualisé, zéro... chuchoter comme oh c'est un truc de meuf nanani. Elles se battent. Elles se alors sans armes mais ça donne voilà. une terrible image des femmes malheureusement. Ça donne une image différente. Ah, oui, je sais. Et genre il y a des épreuves entre où elles peuvent gagner des avantages mais des épreuves qui consistent à couper 30 bûches de bois, allumer un feu, éteindre le feu de l'équipe adverse et tout. Et tu gagnes des avantages. Bref, c'est incroyable. Le montage est fait avec du suspense qui te tient jusqu'au bout de la saison. En Corée, ils sont très forts pour ça. Ils sont vraiment, très c'est fort. Délicieux. C'est délicieux. Et quand équipe... L'adjectif m'a surpris. Ah ouais, non mais c'est délicieux, c'est éliminé, un bon Bon, je me permets un mini spoil. La première équipe éliminée, c'est les pompiers. C'est les policiers à CAB. Et donc, même si t'aimes pas la police, tu pleures pour ces policières qui viennent ramasser leurs affaires. Tu pleures parce que t'es une femme, mais peut-être. Ouais. Que... Vous, les hommes, ne pleurez non, pas devant cette émission. T'as après le torse, moi. Après mais bref, et c'est vraiment trop, trop bien. Sirène, pas comme la femme poisson, mais comme l'alarme qui est retentie. C'est génial. Et il n'y a pas de saison 2 prévue. J'imagine que ça pas trouvé son public, donc je compte sur le public du podcast pour relancer les vues. Ça date déjà d'il y a presque un an, donc vraiment on aurait déjà la 2, je pense. Si ça oui, mais bien. Comme tu dis, quelqu'un en France peut racheter les droits et voilà, faire genre, Squeezie là. Mais bref, c'est vraiment trop génial. Mais déjà, vous allez passer un trop bon moment et on se fait hooked par le truc. Ouais, bon, très bien. Et franchement, c'est super. Et le dernier truc que j'ai pas dit, c'est que par jour, leurs calories dépensées en sport sont comptées, mais pas en mode le régime. Malheureusement, c'est misogyne. Non mais je sais injonction que c'est comme ça, grosse femme et tout, mais c'est pas ça. C'est genre, du coup, elles font des pompes, elles courent sur des tapis et tout pour gagner du crédit. Ouais. Et en fait, le matin, le magasin ouvre entre 8h et 9h et là, elles peuvent aller échanger leur monnaie contre de la nourriture ou bien attends, des toki-woki, des pelles, des cordes. Tu veux dire que plus tu perds de calories, plus t'as d'argent. Ouais, c'est ça le. Ça te fait de l'argent crédit, à dépenser. Ouais, c'est ça. Mais du coup, t'es récompensé pour perdre du poids. Ouais. Non, dans ce truc 100% féminin. C'est pas en mode perdre du poids, c'est en mode exploit sportif. Vous faites les trolls. Mais bien sûr. C'est pour quantifier le. L'effort fourni, bien sûr. Vous prenez une photo là. Mais c'est vraiment, genre, honnêtement, on est sur CNews. Pas du tout présenté comme ça. Et l'autre co que je voulais faire, c'est un encouragement et une. Enfin, je vous recommande tout simplement le livre de mon ami Salomé Sake, le deuxième qui sort le 16 octobre, je crois, de mémoire, qui s'appelle Résister. C'est un petit essai qui donne des clés pour lutter contre l'extrême droite qui arrive lourd, comme on dit en ce moment. Et voilà, je lui envoie tout mon amour et ma force parce que je la vois littéralement se ruiner la santé à la tâche à travailler comme une tarée parce que c'est la panique et on a trop de chance d'avoir des gens comme Salomé. Bref, donc n'hésitez pas, même si vous pouvez pas acheter le livre, en plus ils ont fait plein d'efforts pour que ça soit très peu cher, je crois qu'il coûte 5 euros. Ouais. Donc vraiment, c'est pas en mode on va faire de l'argent. Enfin, Salomé, elle nous a fait une année déjà qu'elle sort de 1 milliard de trucs de boulot hyper intense, mais là, en plus, Il y a eu les élections inattendues, donc elle a enchaîné avec ça. Puis après, elle était tellement en panique de l'état des votes qu'elle a fait « il faut qu'on fasse des trucs, je vais écrire un livre cet été en plus », alors que c'était déjà beaucoup trop donné pendant les élections. Bref, je m'inquiète pour ça. Elle a perdu combien de calories à peu près? Et heureusement qu'à, heureusement qu'à la fin de l'été, le gouvernement en place... Voilà, exactement. Elle a dû se reposer. Donc n'hésitez pas à envoyer même des commentaires positifs, à partager ces trucs ou quoi, parce que ben, franchement, elle s'en prend plein la tronche. Elle est sur la liste de l'extrême droite des gens à tuer. Écoutez, voilà, elle a besoin de écrit, force. Et si vous ne connaissez pas, elle avait écrit ce super bouquin qui s'appelle Sois jeune et tais-toi, bon, qui s'était très bien vendu. Mais ça vous, si vous avez lu ce bouquin, ça vous donne en plus qu'elle est extrêmement douée dans ce qu'elle fait. Et puis je suis là sur Insta, en fait. C'était Marocco d'il y a quelques temps. Et ben, je plus sois. C'est toujours d'actualité. Et du coup, il y a son nouveau livre qui arrive, qui est très important. Et le but aussi, c'est qu'avec ça, ça fasse du bruit dans les médias. Donc, je sais pas, qu'on l'invite sur des plateaux pour qu'elle parle de ça, même si tout le monde lit pas le livre, que t'en entends parler à la télé, machin. Donc, partager en masse et tout, envoyer la force à Salomé Sakai. Une saison 2 de Sirens. Une saison 2 de Salomé Sakai. Mélangeons les trucs. Il y aura les journalistes, les journalistes, les pompières, les cascadeuses. Adrien Méniel. Alors moi, j'ai une semaine, j'ai pas eu le temps de, voilà, j'ai peu le temps de me distraire. Je vais ressortir une très vieille reco que j'avais. C'est un jeu. Alors c'est un jeu, c'est gratuit, c'est sur navigateur. Ça s'appelle, donc c'est vieux du coup. J'y ai joué il y a longtemps en stream. Ça s'appelle Infinite Craft. Je ne sais pas si vous connaissez. Vous avez entendu parler de ce jeu. En gros, c'est un jeu. Tu as un canevas vide et dans ton inventaire, tu as juste les quatre éléments. Tu vas me les rappeler, Patrick. L'eau, le feu, le vent, terre, tous les éléments. J'ai l'impression que vous en avez dit 5, mais en tout cas c'est ça. Non, et en gros le principe c'est vraiment du crafting, mais donc c'est-à-dire par exemple, tu vas dire, donc tu places la terre sur ton canevas et tu places l'eau dessus, donc ça va créer de la boue. Mmh. Donc maintenant dans ton inventaire tu as la boue. Ah. Et ensuite tu vas prendre, la boue, et tu vas l'associer avec le feu. Et ça, hop, tu as de la terre cuite. La terre cuite. Et en gros le principe c'est que c'est, comme son nom l'indique, Infinite Craft, c'est infini parce que c'est powered, enfin j'ai vraiment dit un mot anglais, mais je trouve, enfin c'est propulsé par une IA quoi. C'est une IA qui décide, alors c'est un peu contrôlé pour pas que ça fasse n'importe quoi non plus, mais en gros le principe c'est que tu peux tout créer, mais tu pars des quatre éléments. D'accord. Au départ tu peux dire, y a des gens qui ont fait Floodcast par exemple. Ah ouais, c'est incroyable. Alors parce que des fois aussi ils ont mis quoi pour faire Floodcast? du caca et du pipi et un peu de Pascal Pro. En vrai ils ont fait Flood parce que c'est en anglais, et donc ils ont fait Flood et Podcast et alors le truc c'est aussi que parfois l'IA c'est n'importe quoi le résultat. Elle fait des associations de trucs, mais c'est marrant du coup parce que tu peux quand même utiliser ces trucs qui n'ont pas trop de sens pour arriver à tes fins. Moi je sais que je voulais créer par exemple basketball, je l'avais fait en live, j'avais mis des heures, mais la satisfaction quand tu réussis en partant des quatre trucs, de dire ah, attends putain, tu dois trouver faire la un bonne ballon consigne, quoi. Alors d'abord je vais essayer de créer ballon, donc faudrait que j'arrive à faire le plastique machin. C'est fou. C'est génial ce jeu, c'est gratuit, tu joues sur le navigateur, ça s'appelle donc Infinite Craft. C'est trop marrant, c'est hyper satisfaisant quand t'arrives à atteindre ton but. C'est un très bon jeu de, si vous streamez, c'est en live. Ça donne envie. Si je peux me permettre, tu as très bien expliqué les règles de ce jeu, Adrien. Merci. Merci. Et j'ai une deuxième mini reco. Alors ça, c'est un truc, j'ai l'impression que je suis le dernier à découvrir ça, mais du coup, je vais quand même le recommander parce qu'il y a peut-être des gens, et on sait qu'il y a peut-être des gens qui, voilà, on sait combien c'est cher les abonnements aux plateformes et tout pour regarder des films. Et j'ai découvert que sur la chaîne YouTube de Arte Cinéma, Il y a les films. Plein de films gratuits. Bien sûr. Ah bah tu savais pas. Non. En fait, il y a tout leur programme, même le documentaire de DJ Mehdi dont ça on parlait. Oui, oui, ça oui. Enfin, mais dès que c'est sur Arte, c'est aussi sur YouTube. Il y a un nombre incroyable de, mais en plus des genre par exemple, il y a Tout Simplement Noir. Tu peux le regarder gratuit sur YouTube sur la chaîne d'Arte Cinéma. Il y a des films de Louis Malle, il y a des films de Haneke, des vrais bons films gratos sur YouTube. Je pense que je suis pas sûr que en fait tant de gens le savent. Mais je suis d'accord. Et en plus, apparemment, sur leur site internet Arte, il y a encore plus de, il y a toutes tous ceux qui sont sur YouTube, ouais, plus encore d'autres. Et moi, j'ai par exemple une amie qui m'a dit, moi j'ai annulé mon abonnement à Mubi parce que en fait il y avait déjà tellement de films sur le site d'Arte que j'ai, ouais, j'ai... Mais oui, on dit pas assez que les chaînes YouTube d'Arte, c'est peut-être les meilleures chaînes YouTube qui soient. Et ils ont réussi à prendre le virage d'internet. Ah, vraiment, exactement. Et justement, en plus, je voulais du coup faire un big up à Arte parce que je voulais dire que moi, Arte, c'est vraiment la chaîne, je l'ai vue apparaître quand j'étais gosse. Et je trouve que encore maintenant, c'est trop bien qu'ils existent. Mais grave, ils font Laserdisc, ils font Jour de Play. Sur en ligne, ils n'hésitent pas à financer des trucs super innovants. Et en plus, ils filent littéralement des films gratuits et tout. Enfin, c'est génial. Donc voilà, Arte, ouais, on vous adore. Bravo, magnifique, voilà, magnifique. Et quant à moi, et je pense qu'on est tous d'accord, je voulais juste rendre un petit hommage à Michel Blanc parce que c'est un acteur qu'on aime beaucoup, un auteur qu'on aime beaucoup. C'est un grand scénariste. D'ailleurs, j'ai reçu beaucoup. Ça m'a surpris. J'ai reçu beaucoup de DM qui m'ont dit, mais non, je sais plus. Moi, j'ai gens qui m'ont dit, la première personne à qui j'ai pensé, c'était toi quand j'ai appris que Michel Blanc était mort. Et je crois que dans l'épisode avec les gens de Calmos, on avait beaucoup parlé de Michel Blanc, et c'est là où tu parlais beaucoup du fait que tu appréciais énormément son travail. Et c'est vrai que moi aussi, même sans vouloir faire son travail et même lui, quoi. Ouais, voilà, sa personnalité. Justement, je crois qu'on avait parlé sur Bakri, mais il y avait Rebecca Monzoni qui a aussi fait un épisode de Totemic avec Michel Blanc. Alors, c'est une vieille interview, c'était pour le film L'Exercice de l'État, donc je crois que ça date d'une quinzaine d'années. Tu me rappelles qu'on me l'a conseillé, je l'ai pas. Eh ben moi, je l'ai écouté, moi, il y a quelques temps, et c'est super intéressant. Génial, voilà, c'est quelqu'un d'assez fascinant. Et puis, c'était un gars, je pense, c'est un des rares à avoir créé un personnage de la culture française, quoi. Jean-Claude Duss, t'as Jacouille Lafripouille, François Pignon et Jean-Claude Duss, quoi. C'est, Et Patrick Chirac. Et Patrick Beau. Mais d'ailleurs, ouais, ce qu'on a pu constater avec toutes les interviews, toutes les images d'archives là, qui ont ressurgi au cours des derniers jours, là, c'est qu'il était loin du personnage de Jean-Claude Duss, et surtout il ne se réduisait pas à ça. Et avant de faire Jean-Claude Duss, il a joué dans des dizaines de films d'auteurs, indépendants, et il expliquait que ce rôle justement l'a éloigné de ce cinéma, parce que les auteurs ne voulaient plus de lui, en fait. Il était trop étiqueté Jean-Claude Duss, et après il y est retourné. Et moi, il y a un film que j'adore de Michel Blanc, c'est Grosse Fatigue, bien sûr, qui est assez méconnu, mais qui est exceptionnel, où il joue son propre rôle et son sosie. Si vous n'avez pas vu ce film, voyez-le, parce qu'il est remarquable. Ouais, non, c'est vraiment des super films qu'il a écrit, qu'il a réalisé. Il y a un film réalisé par Patrice Lecomte aussi, qu'il a fait assez tôt, très vite après Les Bronzés, Viens chez moi, j'habite chez une copine, Ma femme s'appelle Reviens, etc. Et effectivement, les films qu'il a réalisé, il y a Marche à l'ombre. Marche évidemment. À l'ombre, ça, c'est moi, je suis fabuleux. Et je sais pas. Qu'il a dialogué d'ailleurs. Et ouais, non, c'est ça, il réalisait. Tous les dialogues cultes, écrit et réalisé, interprète principal. Donc, ouais, non, vraiment, il y a beaucoup de choses à regarder. Je parlais d'Une affaire d'État. Voilà, c'est un film politique, mais qui est super impressionnant, et où dedans il est incroyable. Donc voilà, c'était pour faire un petit billet. Et Monsieur Hir de Patrice Lecomte, ça aussi c'est un autre film que je vous conseille, dans lequel il a joué, où alors c'est pas du tout une comédie, c'est un film très noir, etc., mais où dedans il est assez d'abord glaçant, puis très touchant. Et voilà, c'est un très grand acteur, et voilà, on voulait lui faire un petit pas big que up. Acteur justement, c'est... oui un grand acteur, auteur, parce que moi, enfin, je me suis rematé Marche à l'ombre, du coup vraiment les dialogues, enfin c'est un grand dialoguiste français, quoi, vraiment très très fort, quoi. Et c'est ce que disaient les gars du Splendid, en fait. Là, il y a pas mal de documents qui ressortent, de l'INA, ou de il y a France 2 qui a passé le truc de là-haut, je sais plus comment ça, un jour une histoire, un jour un destin, je sais plus comment ça s'appelle, sur le Splendid. Et c'est tout ce qu'ils disent, quoi. C'était Clavier, c'était la structure, un tel c'était les gags, une telle c'était tel truc, Michel Blanc c'était les dialogues, les dialogues. Donc voilà, n'hésitez pas à checker un peu tout ça. Oui, et justement, parce que tu dis il a créé le personnage de Jean-Claude Duss, mais il a aussi créé des répliques qui sont encore oublie que t'as aucune chance sur un malentendu, ça peut sur marcher un malentendu, et tout, bien sûr. Des trucs, enfin voilà, quoi. C'est ce que je disais avec personnage de pop culture, c'est qu'effectivement, même s'il a essayé de s'éloigner de Jean-Claude Duss, encore que moi j'ai vu des interviews récentes où il dit qu'il a beaucoup de sympathie pour le personnage, et qu'à une époque effectivement ça l'a bloqué, mais que avec le temps c'est quand même cool d'avoir participé à un truc aussi culte, tu vois, et c'était, je crois que c'est dans une boîte à questions où il dit que de toute façon le Splendid, ça reste encore aujourd'hui les plus belles années de sa vie, en tout cas celles qu'il a adoré en tant qu'être humain, quoi. Où est-ce que j'allais? Ah oui, les télésièges. On parlait des télésièges. Enfin, tout le monde pense forcément à Michel Blanc quand il prend un télésiège. Donc, on chante, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Ouf. C'est ça. Et c'est dès que ça s'arrête. Pas beaucoup. Non, c'est vrai, c'est gens ont c'est créé une ça. Icône de la culture française, ah ouais, sa combinaison de skis. Et c'est toujours plus triste quand c'est des gens marrants qui partent, en plus. Donc il y a toujours un truc un peu plus touchant. Oui, parce qu'on rappelle que Jean-Marie Le Pen n'est toujours pas mort. Par contre, c'est fou. Il serait temps là maintenant. Faut y aller, monsieur. Il y en a vraiment beaucoup qui meurent avant lui. Et on fera le même hommage. Voilà, on fera des petites recommandations culturelles en fin d'épisode. Pardon, c'est encore mon obsession pour le racisme. Oui, qui a parlé. Tu peux enlever ça un petit peu de je ton ADN. Je suis écoutez, chers amis, merci beaucoup. Dernier petit tour de table, Manon Bril, le stand-up à fond. Alors, tu continues quand même les vidéos aussi. Tout à fait. Sur ton Insta, il y en a. Ouais, t'as un peu sur Insta, oui. Sur Insta, j'en fais. Sur YouTube, cette année, j'en ai sorti que deux, mais j'en ai sous le coude en préparation. C'était le temps d'écrire le spectacle. Et maintenant, il est écrit. Voilà. Il tourne. Alors là, j'ai des dates jusqu'en 2027, les potes. Et c'est ça, tu t'es lancé dans le stand-up depuis quelques mois maintenant. Ça commence à faire un petit temps. Ça fait presque deux ans les comedy clubs, mais mon spectacle, il tourne depuis cet été. C'est ça. Pendant toute l'année, il va s'appeler rodage. Donc c'est la période où tu testes encore beaucoup de trucs sur scène et t'affines le texte. Ouais. Voilà, dans des salles petites et moyennes pour pas trop te toller devant trop de monde. Ouais, bien sûr. Mais c'est un incroyable succès, bien sûr. Et c'est un espèce de contrat avec le spectateur aussi de dire vous payez pas exactement le prix, vous savez où vous venez. Et on en avait parlé, je sais plus avec qui d'ailleurs, mais c'est un exercice super intéressant aussi. D'ailleurs, quand t'aimes la comédie et que ça t'intéresse l'écriture, assister au rodage, c'est super cool aussi. C'est une autre façon de voir un spectacle. Bah, en tout cas, si tu vas au rodage au début et que tu reviens en spectacle dans 3-4 ans, il y a moyen que c'est pas mal évolué, même si ça dépend des artistes, bien sûr. Évidemment. Et donc ça me remplit de bonheur cette nouvelle activité. Je suis très heureuse, ça me comble de bonheur en ce moment. Oui, j'ai juste une question par rapport à ça, parce que c'est vrai qu'il y a toujours ce truc, c'est un peu la question qu'on fait tout le temps aux gens d'internet quand ils font autre chose internet, à savoir allez là vous rencontrez des gens. Is the new, j'ai écrit un livre. Non, mais c'est plus par rapport au fait de rencontrer les gens pour de vrai. Est-ce que ça c'est vraiment ça aussi qui te fait du bien, c'est les rires en direct, ces choses comme ça? Bah grave, c'est tellement satisfaisant d'avoir les rires en direct. Alors à l'inverse, quand c'est le bide, bah, c'est dur, mais quand c'est mon spectacle, pour l'instant, c'est les gens qui me suivent qui sont là. Donc, pour l'instant, c'est très, très, très bienveillant. C'est aussi pour ça que j'organise M Festival. Bien sûr. Future Fest. T'avais bien aimé, Florent, le dernier qu'on a fait là ensemble. C'est grave, j'ai annulé mes vacances et tout pour venir. Non, je suis vraiment désolé encore une fois. Oh, mon pauvre, il était au Japon, le pauvre. Non, je dis mon pauvre parce que je t'ai mis une pique. Mais t'as raison. Non, j'ai merdé. Mais je me. Oula. Non, mais maintenant, il est carré sur les horaires, les dates. Il n'y a plus d'erreur, quoi. Patrick a fait il m'a mis une il m'a frotté le dos pour me mettre bien. Non, je me rattraperai. Adrien n'est pas acide par contre. Non. Bah moi j'ai. Tu le mets. Il m'a jamais remarqué. Tu me remets sur le dos alors que c'est toi qui lui as mis un pic quand même. Par contre, j'allais dire, t'as trop assuré de venir quand même et de. Merci. J'ai honoré le créneau qu'on avait. J'ai essayé d'être un peu en inside, de participer au jeu aussi. C'était super. Un petit peu. J'ai essayé, tout a été rejeté, mais j'ai essayé. C'est vrai. Il m'a proposé des idées, je fais oui. Mais je me rattraperai. Okay. Oui, je voulais dire, moi j'ai grave kiffé, c'était trop bien. Le retard, vraiment très exagéré et tout, mais sinon c'est bien. Ouais, on avait des problèmes techniques. Tu sais quoi? J'ai dit, je vais parler du Culture Fest à mon équipe. Et Jean Fromageman, que j'embrasse, qui est dans la team, il a dit, Adrien, il va râler sur la technique. Je fais, oui, bon, c'est la vie. Ah, ça arrive, ça va. Bah oui, non, mais en même temps, t'as le droit d'être exigeant, c'est bien. Non. Mais cette année, je peux annoncer. Je peux juste dire qu'il y a eu des problèmes techniques, mais qu'il y a eu une super réaction et que ça s'est très bien passé. Ouais. Et que, tu vois, j'en ai entendu que du bien, moi, en tout cas. Je vais pas dire, c'était. Nous, on a égorgé les techniciens après. Non, mais il y a eu. Une solution a été trouvée et ça s'est très bien passé. Bon, bah tant mieux. Ah oui, c'était l'écran qui projetait pas. C'était. Mais du coup, le Culture Fest, je peux l'annoncer en exclu chez vous. Cette année, ce sera deux jours pour la première fois. Mais et non, non plus. Juste une journée. Écoutez, chaque année, on essaye de grandir un petit peu et cette année, on fait x2. Donc trop on bien. Est très contents, ça sera les 24 et 25 mai, toujours au Dog B et Magasins Généraux à Pantin. Génial. Et c'est possible même que l'espace soit plus grand, mais ça on n'a pas encore. Mais chut. Mais en tout cas, par contre, 2 jours et donc 2 fois plus de bonheur. L'endroit est hyper cool. Moi, je connaissais pas. Et, c'est chouette j'ai là-bas. Ça super, ouais. Au bord du canal, les magasins généraux et que mon équipe a incroyablement bien décoré. Je fais un big up à Mélanie qui fait la déco et à Vini, notre graphiste qui a fait les affiches et compagnie, les visuels. Et non, mais j'ai une équipe incroyable dans l'orga de ce festival. Si vous connaissez pas, c'est le festival de la culture des tendus, ouais. Des podcasts, des humoristes, des journalistes et des vulgarisatrices sur scène pendant 2 jours dorénavant. Venez sur le compte Insta pour ne pas rater la vente de billets. C'est bon, j'ai placé tout ce que j'ai. Bah non, mais trop bien, c'est le moment. C'est le moment, on est là pour ça. Et saison 2 de... oui, à laquelle tu participeras du coup. L'équipe des vidéastes. C'est une bonne question, ça t'intéresserait d'y participer. Je pourrais. Donc t'as Fabio Lucci dans tes oreilles. C'est bon là, tu peux mieux comme ça. Patrick Beau. Oui. Alors, il y a plein de choses. Il y a la veillée où tu as eu une inondation hier, j'aimerais quand même dire aux gens. C'est-à-dire qu'il était au Tristan Bernard, celui-là. Il n'y a plus de sur scène. Ton oncle. Non, mais pour qui tu te prends en fait. Il a littéralement plu. Moi, j'avais jamais vu de la pluie dans un théâtre. Et il a fallu que ça tombe sur mon spectacle. Ouais, incroyable. Donc, en même temps, vu que le concept, c'est des gens qui viennent raconter des histoires étonnantes, là, ils en ont vécu une. Je pense que le public s'est dit, c'est fait exprès ou pas. Je pense qu'il y a dû y avoir. J'ai vu sur une story que tu l'as précisé quand même. T'as dit, c'est pas fait exprès. Pas fait exprès. Mais c'était surréaliste, vraiment. Ouais, parce qu'il y a eu beaucoup de pluie à Paris hier, et donc il y a eu une fuite dans le théâtre, c'est ça ? C'était un déluge, et il y a eu une fuite au plafond, mais en plus, il faut préciser que c'est un théâtre à l'italienne, qui est très joli, avec des ornements, des dorures, et de voir de l'eau couler vraiment comme s'il pleuvait dans cette salle, il y avait quelque chose d'un peu irréel, j'avais l'impression de rêver. Ouais. Et voilà, donc on n'a pas pu... Alors, on n'a pas pu aller jusqu'au bout, il y avait 6 histoires, on a pu faire 5 histoires. Ah, quand même. Et donc les gens ont pu avoir quasiment la totalité du spectacle plus un événement improbable. Oui, donc plus Pirates des Caraïbes. Le bilan, voilà, le bilan est positif. Ce que Patrick est en train de dire, vous serez pas remboursé. C'est ça qu'il est en train de dire. Vous avez quand même eu 5 histoires et un rêve. Et le 6e. Alors désolé mon pote. Alors justement, et tout le monde a pu passer sauf Fabien Olicard qui est passé en dernier. Aïe, aïe. Et donc il passera en premier à la veillée de France Inter le 21 novembre. Il débarque à la radio le matin. Voilà, on va faire une veillée en direct de la maison de la radio. Ça sera retransmis donc en direct sur France Inter. Et donc toutes les personnes qui étaient présentes hier soir vont pouvoir venir. Ah, il est fort, ce Patrick. Il est fort, hein, mais tu vois, t'as voulu un peu le couler, Adrien, et t'as vu, il a rebondi. Comment ça, j'ai voulu le couler? Le noyer. Non, mais t'as dit, oui, il serait pas remboursé. Ils sont tous invités à France Inter. Non, mais ce mec-là, est-ce que j'ai voulu le couler ou est-ce que je lui ai fait une passe D en fait? Une passe D. Pose-toi la question. Passe D ou couler, c'est notre nouveau jeu. C'est le théâtre qui a voulu le couler. Directement. Tu étais peut-être sous l'eau, Patrick. Et ouais, le petit détail qui est rajouté au côté surréaliste, c'est que ce soir-là, la déco, c'était un hôpital avec une morgue. Yes. Donc en fait, parce qu'il y avait une pièce de théâtre en même temps. Ils avaient couvert le décor avec des rideaux noirs, mais dans les coulisses, il y avait carrément un macabé en latex hyper réaliste sous un drap. Et donc les invités ont attendu dans les coulisses pendant 1 heure avec ce corps. Voilà. Ah, sympa. Et donc ça ajoutait un peu au truc un peu irréel. Attends. Aucun sens. Il était utilisé à un moment, ce macabé dans la pièce de théâtre qui est jouée en ce moment. Ah oui, dans la pièce. C'était votre déco à vous. Donc, non, on avait juste mis en coulisses un macabre. Mais pourquoi faire? Et alors, en littérature, un livre, les musées. Oui. Eh ben oui, parce que t'as fait plein de lieux insolites. La France insolite. C'est vrai. Le monde, l'Europe, Europa Park. Europa Park. Et je suis particulièrement fier de ce livre. Ouais. Je te l'avoue, car donc c'est 1 an de travail pour chercher les musées les plus incroyables de la planète. Donc j'ai fait pays par pays et je suis allé chercher des musées de préférence méconnus, voire inconnus du public. Écoute, les auditeurs du Floodcast ont la bouche sèche. Est-ce que tu peux leur donner l'eau à la bouche? Donne-nous un petit exemple. Donc ce livre s'appelle Curieux Musée. Oui. Et dans ce livre, vous trouverez 102 musées étonnants, insolites, bizarres. Déjà, plus que des Dalmatiens, pas mal. Ouais. Déjà, c'était ma stratégie. donc des musées vraiment incroyables dans le monde entier. Comme par exemple beaucoup de musées français. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais te dire? Évidemment, là, tu me prends. Ah bah non, mais c'est ça qu'il voulait. C'est ça qu'il voulait. Par exemple, en couverture. Oh là là. Le musée qui est en couverture, ça s'appelle le musée Initium et finis, donc en latin c'est le début et la fin. Et donc ce musée, c'est un musée privé qui a été créé par un passionné un peu excentrique, on va dire, donc il vit en Allemagne, dans un petit village, et il a rempli sa maison d'objets, de curiosités, de choses qu'il a trouvées aux puces, dans des décharges, et il a fait une espèce d'œuvre d'art en fait. D'accord. Et chaque centimètre carré est couvert d'objets fous. Et, c'est donc... une personne instable ou c'est juste. Non, mais c'est un artiste. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Non, c'est vraiment, c'est le projet de sa vie, c'est un projet artistique. Ouais. Et donc, il a juste dit, c'est le projet de ma vie. visuel. Sur son lit de mort, c'était le projet de ma vie. Toujours vivant. Donc visuellement, c'est incroyable, vraiment. Et quand j'ai découvert ce lieu-là en faisant les recherches, je me suis dit, mais c'est fou que je ne l'ai jamais vu avant. Donc je l'ai contacté. Et donc le type était très surpris qu'un Français ait entendu parler de son musée. Et quand je lui ai expliqué qu'on allait carrément le mettre en couverture, il était très content. Oh, génial. Alors, encore quelque chose de mignon. Mais oui, à chaque fois, il nous chope avec pas cute. Il nous a envoyé plein de photos. Et donc, il y a des musées qui sont, par exemple, au fin fond de la Cambrousse, en Nouvelle-Zélande. Donc, un artiste qui a racheté un vieux bus anglais et qu'il a rempli d'automates qu'il fabrique lui-même. Et lui, pareil, quand je l'ai contacté, il m'a dit mais comment vous connaissez mon musée, vous êtes français, je dis c'est mon métier, monsieur. Je suis folkloriste. Je suis folkloriste. Il a acheté des lunettes de soleil qui ont explosé. Voilà. Et donc voilà, donc il y a une part musée spectaculaire par leur architecture, par leur collection, puis il y a une part musée improbable, bien sûr, du genre musée des colliers de chiens, musée de la tondeuse, musée du diable. Donc il y a des musées comme spécialisés dans les trucs bizarres. Il y a le musée de la banane, mais ça c'est pas assez insolite pour toi, je pense. Musée de la banane, je l'ai pas mis, le musée de la banane, je te l'avoue. C'est pas assez insolite. Ouais, non. Au Mexique par exemple, t'as le musée des momies qui est terrifiant, qui est quasiment unique au monde, quoi. Donc t'as des dizaines et des dizaines de momies qui sont conservées depuis un siècle au Mexique, et qui sont terrifiantes pour des touristes occidentaux, mais là-bas elles font vraiment partie intégrante de la culture du pays. C'est-à-dire qu'il y a carrément eu des films dans les années 60 du genre les catcheurs contre les momies. Du truc. Et donc c'est la saison 2 de Sirène, je crois. Il est tellement fort, putain. Mais ce sont que des femmes. Et donc voilà, des visions incroyables comme ça aux quatre coins du monde, et j'en suis très très heureux. Toujours des très beaux livres. Oh, merci. Mais si, je le dis, c'est très beau livre. Très beau livre. Un bel objet, évidemment. Et ça fait très plaisir. Je reviens, c'est très désordonné, mais parce que je suis un très mauvais animateur. Il y a la veillée au Grand Rex l'année prochaine aussi. La grosse date, quand même, au Grand Rex. C'est vrai, en 2025, on fait les 10 ans de la veillée. Il va préparer des petits trucs. Il y avait des petits plats dans les grands. Adrien sera sur scène. Alors, je serai sur scène au Grand Rex le 2 novembre avec la bonne auberge. Il y a toujours des places. Elle part pas. Et ouais, les places au balcon, elles partent pas. Bon bah, achetez-les, quoi. Regardez toutes les saisons là. Ouais. Vous demandez à ChatGPT de vous faire un résumé de toutes les saisons et venez voir le final. Mais bien sûr, de toute cette histoire. Ça fait combien d'années que vous faites ça? Ça fait 4 ans. C'est ça, quand même. Ça va être 4 saisons quand même. Pas mal. Et bien, très bien. Et bien, merci en tout cas, tout le monde. À très bientôt. Un bonheur. Toi, Florent, tu nous as pas fait d'actu, toi? Non, mais tu sais, moi là, ça j'écris là. Ça y est. Là, il y a le bon film en Blu-ray, en VOD. N'hésitez pas. Comment s'appelle-t-il déjà? Boulet le Roi. Non, mais il va être sur Canal bientôt. Je sais pas exactement quand. Je pense novembre ou décembre. Dès que j'ai l'info, je vous la partage. Bien sûr. Voilà, bon, merci tout le monde. Salut. Merci à toi. Bye. Salut. Il me suffit un punk qui avait pas oublié les poches bien intellectuelles en l'honnête Jean Bellos. Quand Bob a massacré le flipper, on n'avait plus une tuile en poche. J'ai réfléchi et je me suis dit, c'est vrai que je suis épais comme un sandwich SNCF, et que demain je peux tomber sur un balèze qui me casse la tête. Si ce mec là me fait la peau et que je crève la gueule sur le comptoir, si la mort me fait l'apéro, un air bizarre, avant qu'elle m'emmène voir là-haut s'il y a du monde dans les bistrots, je lui dirais toi tu me fous les glandes, puis t'as rien à foutre dans mon monde, arrache-toi de la tête pas de ma bande, casse-toi tu pues et marche à l'ombre.